Bon, bah, une fois n'est pas coutume, nous voilà en... En direct, hein, en... du parking. Exactement. Hein, du Grave Zeppelin. Ah, mais non, mais... Hein, à l'essai. Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais non. Bienvenue dans Road to Hellfest. L'épisode. Road to Grave Zeppelin. Voilà, Road to Grave Zeppelin. Voilà, donc forcément une superbe intro, comme nous avons le secret. Donc, eh, mais sommes, tout à fait, mais on est là pour ça. Ouais, donc nous sommes... Donc on vient d'arriver sur le parking, et donc forcément... Kling. Kling. Kling. Oula, ça va être sympa, ça. Kling. Klung. Kling. Klung. Donc nous sommes trois, hein, Bob. C'est moi, bonsoir. Parcimonie. Salut. Et moi-même, Jacques, comme on appelle. Enchanté. Enchanté de moi-même. Donc on est là pour les deux jours, ce soir et demain. Et on va essayer de, pour une fois, de faire un épisode en nomade, donc à se déplacer, voir, essayer de discuter avec des gens ou pas. Et tester donc ce nouveau matériel que nous avons la chance d'avoir pu acquérir grâce à mes dons. Que j'ai fait de moi-même. C'est ça. Voilà. Grâce à Alici. Non, Tipeee. Qui n'est pas lancé, mais voilà. Voilà. Donc, pour une intro, je pense que c'est pas mal. Maintenant, on va revenir vers vous dès qu'on aura des choses à dire, ou pas. Et voilà, un petit mot, Bob. Je me fais agresser par une foutue guêpe. Je crois que je vais certainement... La skin dread. La skin dread. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est derrière toi. Bouge pas. Je bouge pas. Voilà. C'est bon. C'était le mot de Bob. Très bien. Parcimonie. Oh, rien. Non, c'est bon. Pour l'instant, ça va. Voilà. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Parcimonie, c'est sympa. C'est toujours un plaisir de t'emmener avec nous dans nos. Non, moi, ça va. Je sais. J'ai rien à dire. Je suis. D'accord. Okay. Moi, ce qui me pose problème, c'est comment on va faire pour passer. Alors moi je pense, parce qu'en fait on est sur le parking et donc on est entouré de bandes de crime. Pour... ça, do not cross crime. Voilà, scene. Et donc du coup bah, on n'ose pas crosser la scène. Voilà, c'est ça. Bien pour... Bah, c'est surtout que je viens de démarrer donc... Bah, bravo. Du coup tout a été enregistré. Non. Non et puis je serais sûrement obligé de faire des coupes du coup. Alors du coup voilà, donc là on vient de faire, donc on a récupéré nos accréditations du Grave Zeppelin. Qui se déroule à l'essai. Qui sont orange. Et qui sont orange et marqués presse média. Ouais. Et donc on a la chance aussi d'avoir eu une visite complète du site. Voilà. Donc on a pu faire un tour en haut où on a pu voir qu'on avait une vue totale sur la scène. Ça, appréciable. Très appréciable. Totalement pour appréciable. Faire des photos, ça peut être super cool. Carrément. Il y aura aussi un endroit où il y aura donc apparemment des tatoueurs qui vont venir. Il y a quatre tatoueurs, ouais. Qui vont venir. Pour faire des flashs tatoués. Voilà. Oui, alors je suis à deux bières de me faire tatouer. D'accord. Donc, tout est possible. Tout est possible. Oui. Ouais, je suis à deux bières de dire oui. Ce serait une première. En même temps. Du coup, donc on a pu donc voir ça. On a pu voir le coin, je suppose, VIP avec les canapés où on a pu voir un premier groupe. Voilà, ouais. Qui était très sympa. Qui, donc, non, on a vu le premier groupe devant la scène. Non, c'est pas vrai. Non, le premier groupe, c'est pas. Pas le premier, mais le premier. Pardon, groupe qu'on oui. A vu. Alors, on a commencé c'était effectivement par faire une visite en haut. Après, on est descendu directement dans la salle où on a pu voir qu'il y avait des décorations de Blaze. Je vais vite de dire le nom pour pas me planter. Voilà. Eh ben, on leur dira. On leur dira parce que de toute manière, on ira lui parler tout à l'heure. Après, on a pu donc aller voir après la scène de plus près, qui est quand même plutôt pas mal. Mais ouais, elle est en fait, extrêmement bien décorée. Ouais. Et donc là, on a pu voir donc le premier groupe Aspic. Qui fait yes. Donc un groupe de rock progressif qui a une chanteuse qui s'appelle Mélodie de mémoire. Donc ensuite après nous sommes sortis dehors où on a pu rejoindre donc le coin je suppose des tentes des groupes où on a rencontré donc le premier groupe que je ne saurais pas prononcer à caisson ou un truc comme ça. Donc. C'est ça, mais on leur dira aussi. On leur dira parce que aussi on va aller voir après. Après on a pu voir le côté merci, il me sort l'affiche qui m'aide. À caisson. Tu diras à caisson toi? À caisson. On leur demandera. Ce sera la première question. Et du coup, après, on a pu donc voir aussi le coin où mangent les bénévoles, les cuisines. Tout à fait. Faire un tour après, au final, devant les différents stands qu'il peut y avoir donc devant la salle des fêtes. À savoir, il y a un stand de détente avec une très jolie décoration. On reviendra, bien sûr, sur tous les stands à l'intérieur une fois qu'on aura fait le tour avec tout le monde. Il y a un food truck on n'a pas été voir, un bar, également une tente avec des jeux de société. Et de la bouffe saucisse. Et il y a un autre stand de merchandising qui est derrière là-bas tout au bout. Voilà. Donc pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est hyper déjà content de l'accueil qu'on a reçu. Ça, c'est le premier truc hein, qu'on peut vraiment. Complètement. Et en plus de la qualité. Franchement, c'est une première édition et pour l'instant, ce qu'on voit, c'est impressionnant. Et je trouve l'ambiance en plus super agréable. Super agréable, super détendu. Les gens c'est détendu, cool. C'est limite familial. Ouais, tu vois, ouais, parce ouais, que, ouais. Bah parce que oui, il y a des enfants. Ouais, il y a quelques enfants. Il y a quelques enfants. Cool, ouais. Après, voilà, tout le monde. C'est pas le côté trop familial justement. C'est, on sent bien qu'il y a du métalleux, qu'il y a, ouais, voilà, mais du tatoueur, c'est du cool, biker. Mais ouais, t'as ce côté. Ouais, voilà, c'est cool. Vraiment, c'est vrai. Très très cool. Donc voilà. Donc le premier concert devrait commencer dans un peu moins d'une demi-heure. Donc après, les choses vont s'enchaîner, je suppose, naturellement pour nous. Tout à fait. Et donc on vous retrouvera un peu plus tard quand on aura un peu plus de choses à dire. Voilà. Parcimonie, quelque chose à dire ? Salut, à plus tard. Ok. C'est vraiment la meilleure. Mais j'ai parlé avant, c'est dommage. Bah t'as parlé quand ? Avant que t'enregistres, en fait. Ah bah très bien. Avant que j'enregistre, qu'est-ce que tu disais ? Je disais que l'ambiance est hyper cool et que franchement, on a eu une visite, c'était royal quoi. Enfin, la personne qui nous a accueillis était très sympa. Et c'est clair. Un plaisir, vraiment, ouais. C'est énorme. C'est clair. Eh ben merci parcimonie pour cette participation haute en couleur. Bob ? Connard. Merci. Tu couperas. Donc on est toujours au festival Graf Zeppelin et cette fois on a la chance d'être avec Blaise. Blaise, peux-tu te présenter et ce que tu fais ? Salut, alors je m'appelle Blaise Lacollet et je suis sculpteur à Granville. Hey, voilà. Et sur le festival, j'ai fait la déco de la scène. D'accord, voilà. Tout ce qui est crâne et tout ce qui est... Voilà, les charniers qu'il y a sur la scène, les arbres et tout ça, c'est moi qui ai fait ça. Et donc apparemment, t'as quand même mis du béton sur la scène et ça n'a pas forcément plu à tout le monde. C'est un peu chiant, je me doutais bien que ça ferait chier du monde, mais on a trouvé des solutions parce que bon, c'est poudré de béton, il y en a partout, les mecs, le matos avant tout. Hein, ouais, donc voilà. Donc on a mouillé, ça se maintient, pas de problème, on passe le balai. C'est pas le béton de base qui a fait chier, c'est le fait qu'il est mouillé, justement, le béton. Ah tu crois que ça les fait chier maintenant, ça entendu. En plus, il a mouillé. Ah ouais, ah non, je savais. Tu vois, c'est le ah bah c'est parce qu'on s'est... Oui, il y a eu un problème, en fait, de communication. Voilà. La com, caméra. C'est soit la poussière, le matos, ouais. Soit la boue, les grolles. Bon, ah bah, ça va. C'est pas eux qui nettoient. C'est l'avantage que t'es mouillé, justement. Comment ? Je dis, c'est plutôt un avantage. Bah oui, tu vois, ça maintient et puis ça vole plus, quoi. Voilà. C'est ça, c'est l'avantage. Et donc, du coup, ça s'enlève assez facilement ? Eh bien, on va voir ça, je te dirai ça dimanche soir. Parce que si quelqu'un jamais veut récupérer l'ensemble, parce que moi, je pense que ça ferait super bien dans mon salon. Donc si, Ben, alors, si ça a figé, je vais pouvoir les vendre. Sinon, c'est Ben direct. Ah, voilà. Ah, non, mais, on a prévu de mettre la Ben au cul de la scène, tu et vois, de et de pousser. Avec un balai. Avec un balai. Ou un marteau-piqueur, si besoin. C'est là qu'on verra ça. Ah, je te dirai. Histoire peut-être très sympa. Du coup. Ça peut et être du bien. Coup, ton activité principale, en dehors de venir décorer des festivals ? Eh ben, en fait, j'ai une galerie à Granville, une galerie atelier. Je suis sculpteur et j'expose mes travaux, ainsi que ceux de mon père, qui est peintre, lui. D'accord. Voilà. Et tu vends tout ce que tu fais ? Et je vends tout ce que je fais dans cette galerie. Par exemple, là, tu as un stand ? Là, j'ai profité, ils m'ont offert super gentiment un emplacement. Ils sont donc, sympas, genre, ils sont sympas. C'est hein. Dingue. Hein, quand même. C'est fou. Hein. Et donc, je suis venu avec... j'ai pris ma vitrine et boum, je l'ai amené. Et puis, je suis content parce que je sais que... comment dire, ça va plaire. Je sais que j'ai un public qui va être... réceptif, ouais. Quoi, voilà. C'est complètement ton public. Voilà, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est cool. Voilà, c'est ça, ouais. Exactement. Bah, c'est quoi ? C'est quoi ? Ouais. C'est quoi ? Bah, définis, là, c'est malin. Tu montres une photo, mais tu sais qu'au niveau de l'audio, alors, ça marche pas. En fait, on a plutôt un peu l'impression que c'est... Enfin, moi, ce que j'ai vu, et voilà, tu me diras, c'est une espèce de potence. C'est ça ? De potence. De potence, de charnier, de tête sur des pics. Alors, ça, oui. Si tu parles alors, de la scène. Tu parles de la scène ou du... Ah non, ah oui, du tête. Il parle des têtes. De sculptures. Ah ouais, têtes. Ouais. De ton art. Oui, alors ça, c'est... Alors, l'idée n'est pas d'empaler des têtes. Voilà. Alors, c'est désolé de te décevoir. Explique-nous. C'est plutôt soclées, simplement, tu vois. Soclées. Ce sont des têtes soclées, tu vois. Est-ce que ce sont des gens de ta famille que tu n'aimes pas ? Non. C'est vraiment... Ça aurait été ma démarche. Ouais, c'est ma démarche. C'est plus, je les vends pas quoi. Tu as peut-être un meilleur rapport avec ta famille que moi. C'est ça, peut-être. Oui. Ouais. Non, ça va très bien. Ouais, moi ça va. D'accord. J'ai pas besoin. Bah justement, du coup, donc ce sont des têtes un peu. Alors en fait, ouais, je fais. Donc ce que j'ai présenté, c'est plusieurs trucs. C'est donc il y a des têtes de momies, mm-hmm. Voilà, soclées donc et pas empalées. Il y a des petits crânes, voilà, et des bustes, et ainsi que deux grosses têtes en béton quoi. Donc voilà, donc il y a. Ça s'appelle les petits crânes, les Schädelchen en allemand, petits crânes. Les bustes, c'est les hommes gris. Donc ce sont des séries en fait. Ouais, c'est bon. Et ça me permet comme dans la technique, pour aller vite fait, c'est-à-dire c'est toujours le même. Je sculpte un buste, par exemple, je le moule et après je fais des séries, c'est toujours le même buste et après je peux m'éclater sur les trucs, il y a plus de spontanéité que... parce que j'essaye d'être le plus réaliste possible dans ma démarche. Donc il y a tout un travail hyper technique qui est chiant. C'est assez stylé. Hein. Mais tu vois, par exemple, ça, la matière que tu rajoutes par-dessus. Ouais. Alors, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de travailler avec des trucs que je récupère partout, quoi. Parce que je travaille à l'échelle, donc c'est des petits, c'est des trucs, voilà. Ça me fait penser au masque de Slipknot. C'est, Bah alors. Ça me fait un petit comme ça, direct. Ouais, bien sûr. Ouais. Bêtement, hein, mais c'est ma alors c'est métal, évident. C'est, non, non, mais c'est évident que c'est une énorme influence dans ce que je fais. Hein. Ah. Il y a l'art ethnique, les arts premiers, évidemment, dans le côté un peu mystique et de ce que ça dégage. Mais ouais, clairement, après, tu vois, c'est le métal et l'imagerie métal m'a vachement influencé. Ça tombe bien, dis donc. J'ai hyper bien trouvé dans ce festival. C'est marrant, hein. C'est impressionnant, les comme, hasards de la vie. Tac, comme c'est ça. Fou, hein. Dans un festival, on se connaît pas. Et puis, paf, ouais, le métal. C'est merveilleux. Moi, je pense que ça, c'est des hasards de la vie. C'est des signes. Il faut y croire, ces trucs-là. C'est japonisé. Alors, je sais pas si tu as des influences un peu... japonaise. Ouais ouais, alors de toute façon, là j'en ai pas amené, mais j'ai commencé par faire des momies en fait, des momies réduites. Des têtes de momies ou des momies? Non non, des momies entières. Complètes. Complètes. Taille réelle? J'en ai fait quelques-unes taille réelle, mais d'accord. J'aime vous avez bien une grande maison? Vous avez un... ouais, c'est ça, c'est pour ça non, déjà. Apparemment non, on me fait signe que non là-bas. Ouais voilà, non, mon atelier il fait 5 mètres carrés, ouais, c'est un mais chiotte. Tu stockes où alors? Eh ben, où je peux, et dans ma vitrine, tu vois, c'est ça, c'est vachement voilà. Pratique d'avoir une galerie, c'est que dès que c'est fini, paf, ça part devant, et puis bah voilà. Cool. Et donc, du coup, tu as une vitrine à Granville. Ouais, c'est ça. Une boutique où on peut une venir. Une boutique, acheter... Galerie de l'Os à Granville, ça s'invente pas, d'accord. Et rue des Juifs. Rue voilà. Des Juifs. Et un site internet, vous, si vous voulez voir les trucs, c'est. Vas-y, on t'écoute. Galeriedelos.com. Tout attaché sans point, sans bien machin, sûr. Sans rien. On aurait pu le deviner, hein. Ouais. Ça aurait pu être point .fr os, ou point j'ai bu point VA, Vatican. Oh, VA. Pas mal. Mais non. Non, c'est... non, bah non, du coup. Très bien. Est-ce que tu as une question, Bob? Est-ce que tu es un mec de la question, en général? Là, comme ça, j'en avais une, mais elle sera plus personnelle que... Vas-y, enfin, après, voilà. Non, après, pas personnelle. Après, je... Parce que je sais que j'ai vu une galerie sur Granville, mais je me rappelle pas de la rue. Enfin, ouais. Ça va être très compliqué à expliquer dans le podcast. Et... C'est pas grave, les gens feront les mettront des trucs dans les d'accord. Trucs. J'avais vu une galerie, justement, sur Granville, où ils exposaient des Barbies sans tête. Ouais, alors ça, c'est juste en bas de chez moi, c'est le bazar, ça. Voilà, alors justement, c'est là que je voulais me situer par rapport à ta galerie à toi, que je connais Granville, mais pas tant que ça. Donc du coup... Donc c'est le trottoir d'en face, 50 mètres plus haut, voilà. D'accord. Et en fait, la rue des Juifs à Granville, elle est vraiment dédiée, il y a beaucoup de galeries, beaucoup de, d'artisans, ouais, ouais, c'est ça, voilà, qui va vers la haute ville. Ok, d'accord. Et donc on s'efforce à Granville de développer cette rue, ouais, voilà. Donc tu nous as aidé géographiquement à oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Et puis tous nos amis de la France entière. Et voilà, c'est sympa. C'était et le coin, ouais. C'est le point géo. Mais c'est important. Mais c'est très important. Imagine les gens, ils viennent en vacances à Granville. Tiens, dis donc, j'irai bien. Ouais, voir, puis il y a peut-être un mec qui se dit, c'est quoi cet accent de merde qu'il a, le gars là, c'est tu ça, vois, on ne sait pas. Ah, bah c'est Granville, hein, c'est l'air c'est de Granville, la mer. C'est Granville, ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, le festival, t'as laissé carte blanche pour faire ce que tu voulais. C'est ça, ouais. En fait, on s'est rencontrés. Donc. Encore à Granville, en début août, il y a un festival qui s'appelle La Nuit des Soudeurs. Oui, effectivement. Voilà, qui est axé sur, sur le métal, la soudure, etc. Et cette année, le métal. Et cette année, c'était incroyable. Le thème, c'était l'enfer. Tu vois, oh, incroyable. Mais de ça, voilà. Alors c'était fou. Et à la fin, il y avait un concert de métal. C'est vrai. Ouais, non, voilà. Il y avait même deux, je crois. Oui, effectivement. Il y avait Génome. Il y avait Génome ouais, que j'ai copains, vu de des, là-bas. Et amis. Franchement, c'était super bien. C'est des amis. Je connais. Et donc, je fais la bise. Tu leur fais la bise? Ouais. J'aimerais bien les rencontrer. Moi, j'étais un peu. Demain, ils seront là demain. Je te présenterai. Ah, avec plaisir. Parce que et donc j'ai été invité pour faire une installation sur le thème de l'enfer. L'enfer. J'ai présenté ma vision qui est un peu ce qu'il y a sur scène, c'est-à-dire j'ai fait un énorme charnier dans un square. D'accord. Donc c'était un peu la même technique qu'ici. Okay. Et j'ai rencontré Tom là-bas. Ouais. Il m'a dit, tu connais le mec qui fait ça? Je dis, bah ouais. C'est moi. C'est moi. Et du coup, voilà, on s'est mis d'accord tout de suite. C'est toujours là-bas ou pas? Non, non, c'était hyper. C'était, ouais, ouais, c'était une install qui a duré un week-end, quoi. D'accord. Et donc, j'ai reproduit avec la même technique, donc un amas de vêtements, des crânes, des machins. J'ai reproduit ça sur scène. D'accord. Voilà. Il n'y avait pas les arbres. Non. Voilà. Parce que les arbres, c'est... J'ai pu me lâcher un peu plus. Et en dehors de ça, en ce moment, tu travailles sur quoi? Et en ce moment, donc sur mon stand, ce que je travaille en ce moment, c'est les grosses têtes en béton. D'accord. Donc là, c'est plutôt échelle 1. Et ça, je suis plutôt là-dessus, donc là, c'est comment dire, c'est des portraits, en fait. Donc c'est une tête que j'ai sculptée, que je, pareil, avec la même technique que sur les autres trucs que j'ai. Je m'éclate, mais là, c'est plus gros, donc ça, c'est plus kiffant, en ce moment, en tout cas. Okay. Okay. Voilà. Très bien. Mis à part le béton, tu travailles une autre matière? Alors, je travaille, de par le fait que je moule, tu vois, je travaille beaucoup la plastiline, la sculpture pure, le modelage, quoi. Donc plastiline, super sculpté, les trucs de sculpteur, de modeleur que... et donc après, et puis il y a tout le côté moulage aussi qui est un vrai truc en soi, de faire des silicones, des trucs clean, des moules à plusieurs facettes et tout, tu vois. Donc il y a tout un côté technique. J'ai bossé un petit peu, j'ai des potes, j'ai un pote Yannick qui est, lui, fait du bronze. On a fait tu vois, en mai, mais tout le mois de mai, on a fait un monument, parce qu'on est en Normandie, on a fait un monument pour le D-Day, tout ça. Donc j'ai fait pour la première fois de la fonderie aussi, c'est un autre délire. Ah ouais, c'est ouais. Donc voilà, mais ouais, ma prédilection en ce moment, c'est le béton, parce que c'est un truc hyper peu cher, parce que je pourrais faire ça en résine ou machin, mais là, c'est une thune infernale, tu vois. Donc, et puis du coup, je m'y suis habitué, je le maîtrise, et c'est super bien, quoi. Et puis le côté brut du truc, ça... C'est une histoire aussi, quoi. Ouais, non, mais c'est cool, ça a l'air super sympa. Voilà. D'accord, bah, très bien. Bah, écoute, est-ce que tu as une autre question? Moi, j'avais une question, c'est... En fait, ah, bah, attends. Répondu un petit peu, mais est-ce que tu arrives à vivre de ton art? On peut pas... Ah, non. Faut déjà définir vivre. Hein. Ouais, non, c'est-à-dire... Mais... Non, alors, ben, en fait, c'est très ponctuel, quoi. C'est-à-dire que... Je sais pas comment expliquer, t'as des moments où tu vas vendre, où ça roule, ça tourne et tout, et puis ça serait finalement assez touristique, quoi, tu vois. L'hiver à Granville, c'est mort, quoi, tu vois, c'est pas là, et puis c'est pas là que je vais vendre des, non, tu vois, des crânes ou des momies, quoi, tu vois. Voilà, donc là, c'est ça. Métal, je pense, donc vraiment. L'intérêt d'Internet aussi, tu vois, j'ai un super site qui a été super bien fait par mon beauf, qui est un génie, voilà. Et puis... Mon beauf, Coco Dorière, un mec génial, appelez-le, il fait des sites infernales. Nicolas, bien sûr. Ouais, voilà. Coco, c'est pas forcément... C'est son nom de guerre. Ah, son nom de guerre. Limite, tu pourrais décorer les scènes de certains groupes, quoi. Enfin, bah, alors ça, j'adore ça, parce que ce que je disais à Fafa, qui est le régisseur tout à l'heure, je disais, putain, les gars, vous avez, c'est ma première scène, quoi. Et vous avez réalisé un rêve, depuis que j'ai 12 ans, je rêve de faire un truc comme ça, quoi. Là où tu te lâches, tu vois, ta carte blanche, ouais. Voilà, c'était génial, quoi. Donc, évidemment que si, tu vois, moi, je suis super ouvert à ce genre de proposition, parce que... Mais t'es conscient quand même qu'un truc en béton, c'est pas simple à chaque changement de groupe. Ouais, c'est clair, ouais, non, pour la scène, c'est chiant. C'est un peu chiant. On peut trouver... Mais avec un budget, on peut faire des trucs en mousse. On peut tout faire, hein. Ouais, c'est clair. Ah, d'accord, donc c'est toi qui as fait la sculpture, qui a permis de faire l'affiche aussi. Il a utilisé à un moment une sculpture pour faire le fly, ouais, je crois, un truc. Putain, un truc sérieux, mais... Par contre, elle porte tout le même nom, vendu. Ouais, elle porte tout le même nom, vendu, ouais, c'est ça. C'était, c'est con, quand même. C'est vrai que, ouais. C'est pas très artistique. Bah, t'aurais fait, pu un peu chercher, quand même, sur ce coup-là. Je suis quand même un artiste, marche, donc nom, je suis un pas... peu tir au flanc. Donc, mon, tu vois, mon... comment dire, le stock descend vite, tu vois. C'est juste génial ce que tu fais, là. C'est cool, merci. C'est énorme. Ah bah là, du coup, on regarde un peu sur le site. Donc ça, c'est le site qu'a fait ton beau-frère. Ouais. D'accord. Non, mais c'est pour être précis. C'est ça, hein. C'est non, parce que en fait, les gens ne savent pas qu'on est en train de regarder un site. Oui, bah oui, c'est donc ça. C'est bon. Ouais, c'est non, la radio. Quoi. Ah, c'est magnifique. Mais là, l'idée, c'est de commenter les sculptures. Galerie de Los.com. Mais c'est où? Voilà, galerie de Los.com. Et j'ai une autre question. Tu me permets? Depuis combien de temps tu fais ça? Alors, j'ai là, je vais avoir 40 balais et j'ai vraiment j'ai vraiment décidé de dire allez, j'en ai plus rien à foutre vers 30 piges quoi. Voilà, ça fait 10 ans que je me consacre qu'à ça. Voilà. Avant, j'ai travaillé un peu dans le cinoche, un peu de compositing, de la pub, des trucs, tu vois, mais c'était chiant, les écrans, c'est chiant. Pour créer. Ouais. C'est différent. C'est différent. Je veux dire, bien, les photos, je les regarde sur un écran. Ça ne crache pas. C'est pour tout le. Non, mais je comprends, je comprends. C'est un autre délire. Les écrans filent. Voilà. Très. Ouais, voilà, ouais. Non, et puis la sculpture, c'est génial. Quoi. C'est vraiment. J'ai peint, dessiné, tout ça, mais c'est, en fait, sculpter, c'est presque plus facile. Quoi. Je sais pas, t'as le truc. Non, c'est ton truc. Quoi. Pas primitif, mais plus. Ouais, t'es dedans, tu sens, quoi, et voilà. Puis t'as pas à interpréter, quoi. Sur le papier ou la peinture, c'est. Enfin, si tu fais du figuratif, en tout cas, tu vois. Non, tu pars de rien. Il faut déjà que tu remettes en 2D le truc, quoi. C'est vrai. Ah, c'est ça, ouais. Ouais, ton truc, et tu dis, ok, je veux ça. Non, c'est une vraie construction de A à Z, comme on dit. C'est ça. Et du coup, en fait, on n'a jamais répété ce qu'on a dit avant. En fait. Ah oui, on est parti. Ouais, on s'est dit, merde, le micro. Et tu m'as dit. Je peux même dire ta question. Tu m'as dit, mais est-ce que. Est-ce que t'es jamais. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que t'es un internel insatisfait de ce que tu produis? Oh la vache, voilà. Joli. Toi, tu as moins bu de bière que nous. C'est ça. Bah non, il se culte, il ne peut pas tout faire en même temps. Non, non, mais c'est une qualité. C'est une qualité. Franchement. Et donc, je te disais que. Pas du tout. Pour résumer, je me lasse vite des trucs que j'ai fait avant, quoi. C'est ça. Voilà. C'est ça que tu nous disais. Voilà, exactement. Ça. Bravo. C'est ça. Bravo, bravo. J'ai besoin de me renouveler régulièrement, mais ça peut. J'essaye. Comme j'ai un petit ego et que j'ai une vitrine, en fait, si tu mets un truc où t'es pas satisfait, ouais, et puis que tu repasses tous les jours devant, et que tu sais, ouais, puis ça se sent. En fait, les gens le ressentent quand. C'est tu vrai, vois. C'est vrai ce que tu dis. Et, on peut pas tricher. C'est ça. Pas cool, quoi. Non, c'est, pour soi-même, déjà, c'est pas cool, en fait. C'est vrai, je partage un peu. Donc voilà. Ouais. Oui, bah je. Quoi ? J'ai le droit de me considérer comme un artiste, même si je le suis pas. On n'est pas obligé de. Si tu peignais, par exemple, c'est ce que tu ferais. Exactement, voilà. J'aurais fait exactement pareil. Ah, j'aurais cassé mes toiles. Parce que la bagarre. Ta pute est magnifique. Oh, j'en perds mon fil. Bah très bien. Eh bah écoute. Sur ces bonnes paroles, merci beaucoup pour. Merci à vous, les gars. Oh, arrête. C'est pas toi, c'est. Et les gens ne savent pas, mais. Ah non, vous avez pas le même. Je croyais que vous aviez le même t-shirt. Non. Non, bah non. Non, pas vraiment. Non, parce qu'en fait, personne, techniquement, n'a vu nos visages. Ouais, ah, c'est ça. Mais c'est ça je le fermerai truc. Ma gueule à tout jamais. Sur ça, mais on le marque sur le t-shirt, c'est pour ça que les gens veulent nous reconnaître quand même. D'accord. Parce qu'on a un ego okay. Comme toi. Ouais, ouais, c'est important. C'est important, mais ça marche pas pour l'instant. Mais voilà. C'est sympa, le petit côté uniforme est cool. Bah, cool. On aime bien. Hein. Ah, on a un côté anglais. Ouais, c'est ça. Comme la sauce West Derbyshire. Voilà. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Blaise. Et puis, merci. Merci à toi, Blaise. À bientôt. À bientôt. À demain. À demain, en fait. Enfin, la journée passe. À tout à l'heure, on se retrouve au bar. Oh, la vache. Ouais. Énorme. C'est gentil de nous payer une bière. Merci. Ah, bah voilà. Il n'y a pas que les groupes qui nous payent des bières. Il n'y a pas que les groupes. Très bien. Moi aussi, j'ai des coupons. La classe. Non, on n'en a pas, nous. C'est dégueulasse. Je sais pas, on a peut-être pas bien négocié. On va peut-être aller voir les gens. Attends encore un peu. Oui, à mon avis, ils vont sortir vite. Peut-être qu'on va y faire un peu de photos, en fait. De quoi tu parles? De photos? Non, c'est ah, vraiment, c'est pas un CD? T'as non, c'est... Ah oui, moi j'ai pas vu, c'est quoi là? C'est Trash Talk, je crois, normalement. Ça a l'air d'être très. Allons-y, c'est très crossover trash. Hein. Ah, c'est des mecs, un groupe de Cherbourg qui normalement faisait des reprises et là se lancent dans leur vrai compo. Du coup, on n'aura pas à trop écouter, mais on va y aller. Oh. Et bah, très bien, j'arrête là et à plus tard. A plus. Donc voilà, donc là je pense qu'on est, on peut dire dans le coin VIP, artiste, le coin détente. Le coin pause, tranquillou, hein, bilou. Voilà, donc on a des canapés tout autour de nous, des bouteilles vides, sauf une, donc de Tulamore, qui est donc selon Bob un. Un whisky qui a vieilli dans des fûts de chêne de Bourbon, de ce que j'en avais compris à une époque. Du coup, on est venu là à la base pour essayer de trouver des groupes et placer quelques questions. On a trouvé une bouteille. Bon, on n'est pas tout perdant. C'est sûr. Donc pendant ce temps-là, il y a le quatrième groupe qui passe, à savoir Aspic, qui est un groupe parisien de métal progressif. C'est vachement bien ce qu'il fait, c'est hyper propre. C'est bien, mais ça s'enchaîne assez vite et on a un petit peu de mal à trouver du temps pour Pour gérer tout, quoi, en fait. Donc le festival est plutôt super propre, ça s'enchaîne très très bien. Il y a quasiment peu de temps mort. Tout à l'heure, on a à peine eu le temps d'aller chercher un truc à grailler que quand on est revenu, on avait loupé une partie du concert de Boromim, qui était plutôt très très bon. Ouais, très très bon. Wow. Ouais, surtout que c'est des jeunes, hein, c'est des lycéens, les mecs. Non, hein, mais même je suis resté scotché. Tu sais, il y a des groupes comme ça où tu t'as le festival et t'as le groupe qui va te faire que tu vas rester scotché comme un con. Ouais. Bah là, moi, je suis resté scotché comme un con. Ouais, non, mais c'est... Mais putain, waouh, quoi. Et par contre, c'est ce que j'ai discuté 5 minutes avec le guitariste à la fin du concert, j'étais avec Parcimonie, et en fait, je leur disais, mais putain, les gars, sur votre page Facebook, c'est marqué du groove metal deathcore, enfin, death metal, pardon, et je leur dis, mais c'est pas vraiment ça, en fait, ce que vous nous avez fait ce soir. Ils me font, ah non, c'est vrai qu'on est un peu plus progressif, ça fait 8 mois qu'on n'a pas fait grand-chose. Je leur dis, ouais, mais non, moi, il y a des moments, j'entendais carrément Opeth, quoi. Ouais, mais même le jeu de batterie, genre là... l'impression d'entendre du Gojira de temps en temps. Enfin, non, mais c'était hyper propre. C'est, ouais, wow. Hyper technique. Ouais, je savais que c'était hyper technique. Et du coup, c'était un groupe de Sioville dont le bassiste joue pieds nus. J'aime bien cette petite particularité. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Juste avant, c'était Trash Talk, un groupe de Trash Crossover. Sympa. Qui était hyper efficace aussi. Donc, j'ai pas compris pourquoi le bassiste était autant énervé sur sa basse. Mais il était en colère. Ouais, mais après, il bougeait, c'est bien. Il a pris ça un peu la scène. Si on arrive alors à choper, on arrivera peut-être à leur poser des questions. Bah ouais. Et le premier groupe, c'était Akeson, donc qu'on a croisé en arrivant. Voilà. Donc sur le papier, sur le principe, hein, tout le monde est plus ou moins d'accord pour discuter avec nous. Mais en fait, ça s'enchaîne tellement vite qu'on a du mal un peu à trouver le bon moment et le temps. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai qu'on aimerait bien pouvoir plus échanger avec les gens. Du coup, moi, j'ai échangé avec le mec qui s'occupe de la prog et en même temps qui produit des groupes. Mais bon, normalement, ça devrait, on devrait arriver à trouver ce qu'il nous faut. Mais dis-moi là-bas, serait-ce pas Blaise en train de fumer une cigarette ? Faut arrêter de nous suivre, monsieur ! Faut nous laisser tranquille maintenant ! S'il vous plaît ! Ah ! Un ami ? Qu'est-ce que c'est que ce coin ? Et revoilà ! Et revoilà Blaise. Tu sais qu'on fait des interviews entre vous. On faisait un petit bilan du coup parce que. En fait, c'est marrant parce qu'on était en train de dire sur le principe, tout le monde était d'accord pour discuter avec nous. On a du mal à s'accorder entre les gens, les moments parce que ça s'enchaîne quand même super vite. Ah ouais. Et on te voit. Et on te revoit toi qui es là. Ouais, moi je tourne. Hein. J'aime et si tu veux, il y a du tue la mort là juste devant toi. Ouais. Ça, parce que ça, c'est mon démon, ça. C'est vrai ? Ouais. Ah bah écoute, je t'en prie, c'est pas à nous. C'est à toi. Alors, une lichette, parce que en plus. Tiens-lui ça. Tiens-moi ça. Mm. En plus, j'ai une dérogation, parce que normalement, c'est Sober September. Ah bon ? Ouais. Mais pourquoi tu fais des choses comme ça ? Je l'ai fait une fois. Ouais. J'ai perdu beaucoup d'amis. C'est vrai. Si tu te fais chier direct. Ah direct, c'est mais ça. Mais alors, putain, t'es beau comme. Ah ouais, non, mais puis en terminal quoi. Et puis tu te réveilles bien tous les matins. Beau comme en terminal. T'es sûr, moi, quand j'ai plein de boutons. J'étais con, j'en ai un manche. Alors... Mais tiens, du coup, t'es en comptable, Blaise. Apparemment, tu seras le seul mec qu'on va interviewer. Que penses-tu des concerts que tu as vus pour l'instant ? Eh ben, je suis épaté, moi. Et je t'avouerai que ça me fait un peu mal au cul. Le zéro people quoi, tu vois. Ah c'est ce qu'on voit, ça c'est vrai que c'est un peu triste. Vraiment, tu sais au début tu dis bon ça va arriver, ça va le faire et tout. Et quand tu vois en fait la qualité de la des prog, groupes, ouais. Putain les petits jeunes de Boromir tout à l'heure. Putain, j'ai une baigne, carrément tombé quoi, ouais. Techniquement puis même en termes de compo, tu vois. Après le truc, je discutais avec le mec qui était à côté de toi. Ouais. Et en fait, il nous disait que il est un peu surpris aussi parce que ils ont vendu beaucoup de billets. Donc lui, il pense que les gens seront là demain. Ouais, non, mais c'est évident, tu vois. J'en parlais avec Thomas aussi, il disait le vendredi, c'était sûr que c'était casse-gueule et tout, mais il n'est pas plus inquiet que ça, tu vois, par rapport. Parce qu'effectivement, en fait, le site est grand. C'est vrai, c'est ce qu'on me disait aussi. Il y a genre 20 mecs dehors, bah ouais, c'est ça. 30 mecs d'un côté, et à l'intérieur, Ouais, c'est ça. Et c'est trop con parce qu'il y a plus de monde dehors que dedans, en fait. C'est vrai. Ouais, mais après, peut-être que les gens sont. Ça boit, tu vois, tranquille, ça passe. Mais après, ça s'enchaîne. Ce qu'on était en train de se dire, nous, c'est que ça s'enchaîne tellement vite. Bah ouais, c'est ça. Puis tout à l'heure, on a été prendre un truc à manger, on n'avait pas le temps, et le concert a commencé. Ouais. C'est un peu. C'est pas grave, hein, Mais c'est le problème, tu sais, c'est le problème c'est le problème d'enchaîner, du timing, des têtes d'affiche, tout ça, tu vois. Les mecs de Primal Edge, ils repartent, tu vois, après, ils partent à Paname direct, je sais pas, ils ont un autre concert et tout, mais c'est évident, tu vois, tu peux pas les faire jouer à 4h du mat. Bah, c'est sûr. C'est mort, quoi. Non, ouais. Mais, ouais, non, non, après, voilà. En tout cas... Mais ouais, la qualité, c'est trop cool, ouais, ça fait trop plaisir, ça. Pour une première édition, c'est assez fort, quoi. Ouais. Ouais. C'est ça, et puis je suis étonné, tu vois, moi, je suis du coin, ça fait longtemps qu'on se dit, putain, le métal, tu vas au Hellfest, et là, tu souffles un coup, tu vois, c'est bien, mais après... Qu'est-ce qui reste, tu vois. C'est vrai. Et là, c'est cool. C'est, et il y en a, tu vois. Et il y en a. Et il y a un public. Ouais, il y a un public. C'est ça qui est aussi appréciable. Après, je pense que c'est un peu partout en France comme ça aussi, quoi. Où t'as ce petit public qui n'est pas là parce que, voilà... Mais ce qui est bizarre, qui se manifeste pas parce qu'il n'y a pas justement les manifestations, comme il peut y avoir ce soir... à laisser un bled métal, eux ils se bougent un peu le cul, enfin il y a des gars qui ont décidé de se bouger un peu le cul et de se dire on va essayer de faire un festoche métal, voir, ils savent qu'il y a du public, parce que quand tu vas sur, ne serait-ce que nous, on va au Normandie à Saint-Lô, on va voir forcément les groupes qui passent souvent, Tagada, machin, tu vois. Là il y a No One qui passe, à mon avis ça va être blindé. Bah ouais, c'est normal. Même Hellfest, j'ai pris une beigne. Ah mais non, mais voilà, c'est ça quoi. Et du coup, mais il y a un public. Il y a un réel public pour des groupes comme ça. Et forcément. Attends, je me permets une petite aparté. Donc tu vas au Hellfest donc. Ah bah oui, je vais au Hellfest, ça fait cette année, c'était la troisième année. Attends, je prépare ma blague. Et donc du coup, c'est quoi ton épisode préféré de Road to Hellfest? C'est le 25, le dernier. Enfin le 24, celui qui vient faire le résumé de toute la... C'est le 24, celui qui vient tout le résumé du... Ouais. Et t'attends avec grande impatience la quatrième saison. Et là, bah ouais, grave. Mais on s'en doutait. Attends, parce que déjà, la première était ouf. Si, la première était ouf, tu sais, c'était le début, ouais. Tu sais, machin. On était trois, on en a perdu. Ouais, voilà. Mais alors, la quatrième, mon gars. Elle va être terrible, la quatrième. Laisse tomber. Tu veux qu'on te donne en exclu la date de la rentrée? Ah ouais, avec grand plaisir. On l'a pas encore, c'est quoi? Octobre. Courant octobre. Pour mon anniversaire, ça pour mes plaisir. 40 ans, s'il vous plaît. Bah, c'est quand? T'es du combien? Le 8. Le 8 octobre. Ça, c'est tôt, c'est tôt. Ça va être chaud, ça va être chaud. Faut s'enlever les doigts du cul, les gars. Au pire, comme on dit, vieux motard que j'aimais. Exactement. On te souhaitera ton anniversaire. Non, parce qu'en fait, à un moment donné, le problème, c'est que contractuellement, faut qu'on parle du Hellfest. Et s'il n'y a rien à dire, c'est chiant. On l'a déjà fait, hein. Les premiers épisodes, on n'a rien à dire pendant une heure et demie. Mais ouais, non, bah. On tu veux qu'on parle du Hellfest? Ouais, bah du coup, vas-y, Bob, qu'est-ce que tu as posé comme... Ah bah tiens, ouais, parfait. Tu venais voir des groupes en particulier ou pas? Ah ouais, les trois dernières années? Bah non, bah on va dire... Alors cette année, la dernière édition, je venais voir Gojira, obligatoire. T'as pas hésité avec Sum 41? J'ai pas du tout hésité avec Sum 41. En plus, c'est le groupe et donc adulé de mon fils, donc on y va en famille. Et Gojira, du coup? Énorme mandale. Pareil. Parce que ils ont joué beaucoup... deux morceaux du premier album. Et putain, et alors mon fils t'en parlerait mieux que ça, mais il m'a dit, il me faisait genre, tu sais, genre le métalleux bien connaisseur qui disait, je suis un peu inquiet, tu vois, du setlist, machin, des trucs, tu vois, je me dis, bon. Et il a pris une claque, et il m'a dit, tous les premiers, voilà, enfin c'était mortel ça. Terra Incognita. Bah ouais, voilà. Bim. J'étais fou, moi. D'accord. Ouais. J'ai adoré en plus cette année l'écran 360 là. Ouais, l'espèce de l'écran en backlight et tout autour et qui te permet d'avoir un vrai mandale, truc. Quel mandale ça. T'as vu que c'était pas sur tous les groupes? Parce que c'était loué en fait. Ah ouais, d'accord. Ouais, fallait payer pour. En fait, le Hellfest proposait la possibilité d'utiliser les écrans. D'accord. Ah ouais. Mais ça bêchait le cachet des groupes. Mais par contre, c'est vrai que ça ramenait un truc. Putain, c'est en plus. Et donc je voulais dire, tu vois, en allant à Gojira, Manowar, comme j'ai 40 balais, tu vois, je me disais, oh tiens, super, grave, je vais revoir les anciens, machin, tout ça. Et j'ai pris une claque. No One, c'était fou. Et Massisteria aussi, tu vois. Parce que je suis de la génération où, ouais, Massisteria... ils ont changé. Ouais, non, même pas, ils même ont pas changé, c'est qu'au début, tu sais, t'es là, tu pignailles. Ah bah quand t'avais 20 trop, ans. Ouais, c'est trop new, c'est trop machin, tout ça. Et j'ai pris une mandale folle. Et c'est ce que je lui dis depuis des années. Oui, moi, Massisteria, je l'aime plus depuis longtemps. Voilà, non, mais on est d'accord, mais j'ai. Ah non, mais je suis d'accord avec le fait du show, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais moi, c'est. C'était lourd, c'était la dernière lourd. Fois que je les ai vus au Hellfest, ils m'ont tué, en fait. En fait, le problème, c'est que. Beaucoup... Saoulé? Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ah ouais. En fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont marre des furieux et des furieuses. Ah ouais. Ah ouais, bah ouais. En fait, je les ai vus à Briouze. Massisteria, ouais. Il a répété pendant je ne sais combien de fois. Les furieux, les furieuses. Massisteria, live à Briouze, la Furia, les deux pieds dans la bouse. Il l'a répété 12 000 fois. Ouais. J'ai trouvé ça ultra lourd parce que c'est quoi c'est, enfin, j'ai trouvé ça ultra réducteur. Non, bah, ouais. Merde, mais ça va, on n'est pas des pecnos non plus. Quoi. Et au Hellfest, tellement à cœur. Les furieux. Mais non, pas du tout, mais il prend toujours tout à cœur. Il est comme ça. T'es de Briouze? Non, je suis pas de Briouze, mais tu vois, il prend tout à cœur. T'es normand, ouais. Voilà, et du coup, je dis, ah, la Furia, les deux pieds dans la bouse, mais il l'a répété plein de fois. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Bah ouais. Attends, tu dis, bon, attends, bah ok, ça va quoi. C'est bon, on a compris. Tout le monde sait que t'aimes pas, passons. Mais ta gueule. Mais non, mais c'est parce qu'on sait que t'aimes pas et que j'avais une question et j'ai peur de l'oublier. Dire autant de fois que tu m'aimes pas. Oui, tout à fait. C'est pas trop sympa. Alors que je suis hyper sympa avec toi, je t'ai emmené dans ma voiture. Qui c'est qui nous emmène tous les ans au Hellfest? Alors franchement, alors donc, on en arrive là après trois saisons, avant petit, une quatrième saison. C'est franchement génial. Donc du coup, tes trois groupes que tu viens de citer, c'était des main stage. Ouais, donc, voilà. Donc t'aimes beaucoup la main stage? J'aime bien la main stage, mais je suis à l'affût aussi, tu vois. Je suis à l'affût et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ce qui est génial, c'est moi j'y vais pour voir certains trucs, tu vois. Ouais. À la limite, j'y vais pour voir un groupe en fait. D'accord. Tu vois. Par exemple, le dimanche, j'y suis retourné. Je voulais voir Tool absolument pour la première fois. Obligé. Obligatoire. Mais du coup, j'ai pris plein de mandales. Et c'est ça qui est génial. Et est-ce que de temps en temps, tu vois, en fait, c'est ça qui est dommage. C'est que, bon, on sait que t'es un grand fan. Et l'année d'avant, j'y allais pour Heilung, qui était pas sur la main stage. Oui, qui était sous la Temple. Temple, je crois. Temple. Oui, et c'est ça qui est dommage parce qu'on sait que t'es un grand fan du podcast, mais que t'as pas écouté. Ouais. Et parce qu'en fait, sinon, t'aurais découvert en fait que cette année, sous la vallée, il y avait des groupes de la tuerie. Il y avait d'auteurs. De la mort. D'auteurs qui a un groupe. En fait, quand tu le regardes, ouais. T'as pas l'impression de voir un concert. Tu vois un truc. D'auteurs, c'était pas sous la vallée, c'était sous Alta. Mais je dis ça. Moi après. C'est vrai? Oui, d'auteurs, c'était sous Alta. Tu confonds avec Cold Guns. Non, je confonds pas. Je sais que Cold Guns c'était sous la vallée, mais Dotter c'était sous Altar. Sous Altar, ouais. Très bien, je retire qu'est-ce que j'ai dit. Dotter était sous Altar. Ouais. Mais bon, les auditeurs ont vu que j'étais fatigué. Et c'était un truc de fou, parce qu'en fait, tu prends, t'arrives, on est arrivé, on avait regardé le début de l'Ophophora en main stage. Mmh. Puis on a dit, bon, c'est bon, on a vu le show. Déjà, la voile avait un problème un petit peu au début de la première chanson, ouais. On est parti. On arrive, on chope un chanteur qui a le front en sang. Ah ouais. Puis qui est à moitié avec en train de jouer avec le micro, de s'étrangler, puis après il commence à se le mettre dans la bouche, puis après il part dans le public et il y a tout un truc. Et franchement, les photographes qui étaient là, les mecs de la sécu, on s'est tous regardé, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Bah ouais, moi à un moment donné je tenais son fil, le mec était parti dans le public, je tenais le fil, j'ai dit putain qu'est-ce qui se passe, et c'était un truc de malade. Et tu vois ce qui est... Oui, mais c'est ça qui est bien aussi. Ouais, mais par contre ce qui est hyper frustrant, c'est que nous en plus on aime bien regarder les magazines qui vont. Ils ont sorti un magazine spécial Hellfest, la Hard Rock. Rock Hard. Enfin, c'est ça, je me trompe depuis 4 ans que je me trompe, j'aime jamais y arriver. C'était plus Hard Rock. Et ben. Dans mon cœur. Oui, ouais, dans notre cœur. Rock Sound. Rock Sound. Bah, dans le Rock Sound spécial Hellfest 2019. Ouais, c'est ça. C'était Rock Sound. Ouais, t'as vu le dernier Rock Sound. Moi, j'adore le sampler, parce qu'il y a Green Day dessus. Ouais. Et donc, dans le numéro spécial Hellfest, pas un mot sur d'auteur. Bah ils oui, ont mais pas vu. Mais alors que c'était le putain de live à voir. Ouais. Et le lendemain matin, Cold Guns, mec, ouais. Cold Guns, le groupe, on l'a vu, on n'a pas compris ce qui se passait non plus. On n'a pas du tout compris. Ils ont commencé déjà à acheter des pains au chocolat à tout le monde. Ouais. Après, le mec, il est parti dans le public. Et il est parti, bah, il est parti super loin, il est revenu. Puis à la fin, ils ont acheté des scuds, des albums. Ils filaient leur album et tout. Et on les a interviewés après. Et le mec, on lui a dit, mais la scène est trop petite, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, le mec, il nous a raconté qu'à un moment donné, dans une salle de concert, à un moment donné, il est sorti de la scène, parce qu'il fait toujours ça. Et en fait, il est tombé genre sur une mère de famille avec sa poussette, et qu'ils ont eu peur, parce qu'ils ont fait avec des... Même lui a été surpris. Il s'est arrêté, il s'est dit, merde, qu'est-ce qui se passe. Et si tu veux, il était à une table, pendant qu'on était en train de lui poser des questions, il a arraché les autocollants, genre comme un autiste. Un truc de fou! Il a fait de la pub, c'était Jack Daniels, il a fait une étoile. Voilà, il a tout arraché tout doucement. Les lettres de Jack Daniels. Pas très à l'aise avec la presse. Et en fait, et ce qui se passe, c'est que sur scène, t'as les musicos qui continuent, genre ils sont entre eux, ils disent bon, vas-y, il fait son truc, on fait le nôtre. Et c'était. Putain, c'est fou, ouais. Non, et ça, c'est des trucs de dingue que tu vois sur les petites scènes. Quoi. Ouais, et bah, tu vois, c'est ce que j'allais te dire, c'est que là, ça te réconcilie en fait avec, tu vois, les petits groupes qu'on qualifiera d'obscurs, mais c'est pas le cas, tu vois, ces mecs. Moi, ça me fait plaisir de voir des gens comme ça, tu vois. Qui lâche pas l'affaire quoi. Non, mais c'est sûr, c'est clair. Et tout, parce que c'est évident qu'en ce moment, J'ai un pote vendeur de fringues qui me dit que... Et c'est pas grave. Le métal, ça revient en force. Non. Et que même les gonzesses commencent à connaître le nom des groupes sur les t-shirts. Ouais, non, ça je... Non, ça non, c'est faux. Non, ça, non, c'est non, non, ça c'est faux. Ils vendent des fringues en même temps. Hein. Oui, non, mais après, oui, il y a énormément de gonzesses qui veulent avoir genre Metallica, Slayer ou des trucs comme ça. Mais ça veut pas dire que, voilà... Nirvana. Non, ça veut pas dire. Nirvana. Non, non, parce qu'en plus, moi j'avais discuté avec des mecs bah, justement de il la scène. Il est mort, Nirvana, d'ailleurs. Ah bon ? Il est mort ? Ouais. Merde. Il s'est suicidé, si. Quand ça ? Je crois que c'était en 2002, un truc comme ça. Oh merde ! Mars 2002, non. T'es super en retard. 93, non, c'est pas j'aurais dit 94 ou 96. 94, ouais. 13. J'étais non. En seconde, non. Les gens avaient des brassards. Si. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais. Une opération. Ah, Kurt Cobain est mort. Ouais, et ça nous rajeunit pas. Ils ont annulé le bac cette année. c'est vrai. C'est un jour de deuil national. Ouais, ouais. C'est ça, c'était complètement. Après, je sais plus ce que j'allais dire. Et voilà, bah bravo. Non, oui, j'avais discuté avec des gens de la salle du Normandie à Saint-Lô, ouais. Qui m'avaient dit qu'en fait, non, l'argent, il n'y en a pas dans le métal. Dans bah le oui, rap. C'est ça. Il n'y en a que dans le rap en ce moment. Bah c'est ça, de toute façon. Et donc, tu as fait les trois dernières années ? Oui. Oui. Est-ce que tu as fait le curieux par rapport au groupe que tu ne connaissais pas et qui justement pouvait un peu se démarquer du lot, genre Aurore. Alors connais-tu je ne connais pas Aurore. Non, t'as pas fait le curieux. C'est un genre de cinéma où il y a des mots. Ouais, c'est ça. Non, mais alors genre non, mais en fait, c'est à dire que moi je profite aussi de trucs du Hellfest pour voir, par exemple, cette année j'ai vu on connaît tout, vas-y. Ouais, les Suisses, géniaux, Les Suisses ? Des Suisses. Yawning Men. Non. Young Gods. Voilà. Young Gods. Voilà. Et ça, sous la vallée. Ouais, sous la vallée. Ça, c'était incroyable. J'ai chroniqué le groupe, j'ai pas kiffé, moi. Parce que j'ai écouté un peu. Oui, parce que t'as écouté les CD. Je me rappelle ta chronique, justement. Ah, j'avais pas. En fait, ils ont influencé. En fait, ils ont influencé tout le monde. Ça, ouais, c'est ce que j'ai dit. Dans c'était. Voilà. Tu vois, c'est vraiment, tout le monde parle de. Comme Front 242 et tout. C'est les mecs c'est la base, en fait. Truc, quoi. Ouais. Et pourtant, moi, quand je l'ai écouté, j'ai dit ouais, bah oui, je reconnais effectivement. Tu reconnais vraiment des éléments de tous les autres groupes. Ouais, sauf que comme t'arrives en décalé, bah moi, sur moi, ça a pas marché. Après, j'ai pas été voir en concert. Il aurait fallu prendre au début, en fait. Il aurait fallu être là il y a 25 ans. Bah, c'est ça, moi, tu vois, j'écoute ça depuis longtemps. Et les voir, pouvoir les voir. Et sous la vallée, les lumières de ouf qu'il y a, la vallée. Ah, la vallée. Puis ils étaient là, tu vois, c'est ça qui est bien aussi dans les. Dans la vallée ou tout, c'est que le temple, c'est galère pour aller au bout, vraiment profiter. Faut passer à gauche. Attends, mec, il y a des marches carrément, quoi. Quoi ? Tu sais, au début. Non, c'est des gens, c'est pas des marches, c'est des gens. Ah, ouais. Hey, bonsoir. Ah voilà des gens. Voilà le responsable. Ah bah merde. Eh ben, tu tombes parfaitement bien. Voilà le fautif. On va complètement pouvoir te poser des questions. Okay. Est-ce que ça te dit bien? Je fais le changement de plateau. Non, ouais. Je reviens. Parce que bientôt ça va tourner. Bah quand tu comme tu veux comme et tu en le fait sens. je dois changer des backgrounds. Comme par hasard. Allez. Ah, bah si tu veux. Mais ouais sinon ouais y a, avec plaisir je cours après. Mais pas trop vite parce qu'après il y a ça. Ouais, te vautre pas. Non, ça paraît, ce serait pas le moment. Ouais. Bah écoute, d'accord. Et ben du coup, on va t'attendre là. C'est le meilleur moyen de te retrouver. Ouais. Ouais, bah on fait ça alors. Je vous envoie les filles et puis. Quelle fille tu parles ? On avait dit pas de fille. Ah, tu peux couper alors. On avait dit quoi ? Bon, majeur, mineur, on peut choisir. Putes, allez. Je suis d'arbre. Non mais on va y aller franco. Oh là là, non, qu'est-ce que c'est ? Mais non. Hold, appuie sur le bouton. C'est quoi le bouton ? C'est quoi le bouton ? Voilà, c'est le moment. C'est cool, j'aime. Pas fini vos crackers. Des fruits. Pourquoi des fruits ? Parce que c'est sain. C'est sain, oui, c'est ça. Bon les gars, je vais vous laisser peut-être. Pourquoi ? Peut-être, je sais pas, vous bossez, non, en fait. Eh ben, en fait, là, du coup, on était en plein... Et je te trouve un petit peu dur, parce qu'on t'a quand même posé des questions. Ouais, c'était sympa. Mais si tu nous fais chier, on te l'aurait dit, hein. C'est vrai, d'accord. Ok, je reste. Bah, surtout qu'on était en plein truc, donc je sais même plus ce qu'on... Qu'est-ce qu'on disait ? On disait que... Ah, toi, tu disais ? Je disais que les petites scènes adjacentes... Adjacentes, stage, ouais. Comme le triangle. Voilà, te permettent de voir les groupes, mais plein de balles, quoi. C'est ça. Par contre, c'est quoi cette histoire de marche ? Ouais, j'ai pas compris. Temple Heilung par exemple, c'est-à-dire tu vois il y a toute la partie puis ça descend un petit peu. Ouais. Il y a à ce niveau-là il y a pas des bars ou des cashless ou je sais plus. Non les cashless c'est la carte pour acheter à oui, manger. Oui mais les comptoirs. Ah sais, les ouais d'accord oui les bars enfin, les charges de cash ça d'accord. Descend, et en tout cas, ah les marches ah oui ah mais t'es hors scène là t'es hors tente. Bah oui mais justement pour mais accéder dans la tente mon gars. Bah je sais pas moi enfin nous on y arrive toujours. Ouais. Dis-lui. avec quelle pâte, ouais, quelle couleur sont vos pâtes. C'est pas une question de pâte, mec, c'est une question de motivation. Oui, non, c'est pas faux. Tu sais ce qu'on dit faux. On dit pardon. Pardon. C'est vrai que c'est vrai que. C'est pas comme. Non, je suis d'accord. C'est pas comme au cinéma en fait. Ta place n'est pas n'est pas arrêtée. Oui oui. Ah bah merde. Oh putain. Non, c'est déjà arrivé. Ça que dit. Excuse-moi. Oui, j'étais là. Bah oui. D'accord. Je suis arrivé. Maintenant. Ça, j'étais là. Non, c'est déjà arrivé plein de fois. Ah ouais. Ah ouais, sérieux. Ouais. Les gens disent bah tu vas pas rester là. Bah non, mais je peux passer au moins. Parce que laisse-moi le temps. Tu vois bien qu'il y a des gens. Mais ça va. Il y a peu de quand même de fauteuils Décathlon quand même. Il y en avait moins cette année. Bah c'était interdit normalement. Ça, ah ouais. Voilà. C'est ça qui est bien. Ouais. D'ailleurs, est-ce que t'as fait le Knot Fest cette année? Mais non. J'aurais bien aimé, mais c'est quand même une question de budget. Ah bah tu vois, nous en parlons. Hey, t'aurais écouté Road to Hellfest, t'aurais peut-être eu une chance de gagner ma place. Ouais, il offrait sa place. T'offrais ta place? Bah ouais, j'offrais ma place. Ouais, ouais. Du Knot Fest. Ah, ouais. Moi je l'ai vendu la mienne parce que je suis un crevard. Du coup, j'ai été obligé de la filer à un mec. Vous faisiez kiffer. Ah si, c'est mon. Bah, ah, non, mais en fait, on était. Parce que quand on a un média invité. Ah ouais, ah bah oui, t'avais acheté ta place. Et moi aussi, j'ai essayé de la vendre, bah oui, mais elle se vendait pas. C'est et faux. Je me suis dit, bah fais chier, je vais la faire gagner. Non, attends, ah oui, non, bien joué. Attends, mais c'est pas elle ça le pire. 50 balles, rien. Mais ça... Non, mais rien. Attends, c'est plus cher. 66 euros, je la vendais 50 euros. Au lieu de 66. Et pourtant, l'affiche était pas mal quand même. Ah, ouais, mais alors pour le coup, ça a été. Alors, c'est un paradoxe. J'aimerais bien avoir un avis sur des gars comme vous qui. Alors, en fait, moi par exemple. Ce que j'ai... Pointu. Non, mais en fait, c'est pas ça, c'est que nous on a l'habitude du Hellfest et tu sais que dans Hellfest, tu peux vraiment passer d'une scène à l'autre. D'accord. Et du coup, là d'être dans une configuration Knot Fest qui est le jeudi, qui est donc le jour normalement où tu arrives. C'est juste là. Voilà. Et donc, en fait, les concerts que tu kiffes pas, tu les subis. Moi je l'ai subi. En fait, je l'ai les pris deux comme scènes, ça. Les deux scènes ça alternait. Ouais, ça alternait, il y avait ces deux scènes là. Ouais, mais il y avait les deux. En alternance. Stage en fait. Du coup. Ouais. Et du coup, bah, c'était dommage pour certains trucs. Ouais, parce qu'il y avait des trucs super chiants. Bah, il y avait Papa Roach, par exemple. Non, c'était pas le pire. Je suis désolé. Il y avait Amarante. Amarante, c'était le pire. Voilà. Amarante. Ah. Il y avait pas Volbeat. Il y avait pas Volbeat. Non, il y avait pas Volbeat. Non, il y avait Amarante, Sick of It All, ouais. Papa Roach, Behemoth. Ouais. Rob Zombie. Rob Zombie. Ministry. Ah, Ministry. Ah, Ministry. Oh là, les gars, c'était bien ça. Bah, moi, j'aime pas. Bah, on était parti. Mais t'étais pas indus en fait, toi. Je suis pas trop indus, non. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça. Ça. Mais je. Non, non, bah, c'est. Non, mais choix. Je me pardonne des fois de ce truc-là. Ouais. Je m'en veux des fois, mais non. Non parce mais... que là, si tu veux. Il y a Qu'est-ce un. Tu... Oh, Nine. Ouais, mais, Inch ouais, Nails, ouais, ça. Mais Nine, j'aime bien Nine. Ah. Nine, ouais. Ça passe. Je trouve que c'est. Non, le truc de Ministry, justement, c'est que. Ah, le truc trop binaire, quoi. Ouais, peut-être. Ou de l'indus. Trop bipolaire. Trop parti. Pour moi, le ouais, mec ouais, est trop parti, ouais. Et il y a moins le côté musical du truc. Alors que Nine, je trouve, on reconnaît le. Bah, ça c'est clair. Voilà. Ouais. Mais j'ai jamais vu Ministry en concert en même temps. Alors, moi, je voudrais avoir votre avis, les gars, sur. Ouais. Comme vous écoutez pas mal, vous êtes assez pointu finalement. On aime dire ça, mais après, quand t'écoutes un peu, tu te rends compte. Alors, que pas forcément. Enfin, dire, de base, stoner punk. Ouais. Donc, lui, moi, je suis il le. Est plus mainstream, ouais, moi, j'étais black plus le mainstream. D'accord. Black metal, t'as viré Black? Non, t'as viré Black? Non, il a pas viré Black. Disons qu'en fait, je suis impressionné. Quand on a commencé le podcast, et c'est en fait parce que ça, si on t'a pas expliqué ce principe-là, c'est que les groupes en fait on les pioche au hasard. Ah oui, d'accord. Ouais. Du coup, donc, on les choisit, pardon. Donc ça serait trop facile sinon. Ouais, du coup, on se retrouve des fois à écouter des trucs et il faut forcément avoir quelque chose à dire. Bah, ouais. Et moi à la base, je déteste le black metal, toi aussi. C'est juste, c'est pas notre délire. Ouais, voilà, c'est on ça, reproche ouais, rien ouais. au style, c'est juste pas notre truc. Et à force ouais, d'écouter, pareil, ouais. à force d'écouter, on a réussi, enfin même toi, on a réussi à trouver des trucs qui nous parlaient vachement plus. Mais même dans le grindcore, tu vois, c'est ce que m'a marqué la première saison. Je suis tombé sur un groupe de grindcore que j'ai détesté et que je comprenais même pas c'était quoi le délire la avec le grindcore. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est nous qui nous sommes adaptés au black ou est-ce que c'est le black qui s'est adapté ouais, à nous. Ouais, ça c'est une bonne question aussi, ouais. Ah la vache, je sais pas du tout. Parce que tu intègres des codes. Tu regardes Nergal par exemple. Ouais. Nergal qui est un mec, bah, si tu le suis maintenant avec les réseaux sociaux, si tu le suis, c'est tu vois que c'est un expliqué, mec ultra ouvert, ultra cool. Du chanteur BMO. Ouais. Moi, je suis exactement comme toi. Je le suis. Ouais, c'est assez impressionnant. C'est délire ou pas. Je vais écouter BMO. Putain, ça me fait chier quand même un peu, quoi, tu vois. Et en même temps, tu vois, le mec qui fait du yoga. Le décalage ouais, total. Le mec est ultra cool, quoi. Et puis esthétiquement, et puis c'était top le concert de BMO. Dans la façon qu'il a de kiffer la musique. Ouais, c'est vraiment. Il coche toutes les cases, tu vois. Ouais, non, non. Et ça, c'était. Après. Ça c'était. Bah, ouais, du coup, je pense d'accord. qu'il est en train de péter un peu tous les codes et du coup. Bah, il n'y a pas que lui, je pense que lui, les codes hein. se pètent un peu. Ouais, maintenant, mais je pense plus. Que lui il enfonce vraiment le clou. Quoi, après, non, quoi, oui, ce c'est, ouais, c'est ouais, un cas particulier, ouais, il a failli le mourir ouais, et tout. Ouais. Tu sais, comme il a eu son opération. Alors, ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça, moi je suis pas trop black metal, donc du coup. Tu vas me poser la question à moi. Non, mais je sais que Behemoth par rapport à ça, eux, de base, c'est dark. Hein. Quand tu les vois au début et que tu vois maintenant ce que c'est. Et puis même début, le son, tu vois, le son. Ouais, c'est vraiment, plus, oh là là, le tunnel, oh là là, le froid et tout a complètement changé. Quoi. C'est ça qui est dur quand tu écoutes du black metal, bah quand ouais, tu écoutes les premiers albums de premiers groupes, tu fais waouh, mais pourquoi. Mais ah ouais, des fois, ça cool, correspond à une. À une mentalité, une pensée, une façon de faire. Ouais, voilà. C'est des codes. Là, c'est des codes, tout c'est à fait, c'est comme tu disais. Et donc, excuse-nous, parce qu'il t'a coupé tout à l'heure sur ce qu'on écoute plus ou moins. Je suis désolé. Ouais. C'est, tu voulais nous poser une question à nous ouais, je voulais avoir votre avis sur Slipknot. Ah, c'est très intéressant. Ouais. Ah, parce qu'il y a deux écoles, en fait. Ouais. C'est marrant. Il y a deux écoles. Étant exactement. Lui, mainstream. C'est ouais. Un peu, il a hey, un peu, t'as retrouvé. J'ai retrouvé, mais j'ai demandé de l'aide. Ah, bah, forcément. Ah là là là. Eh ben, si tu veux parler du concert en lui-même, moi, j'ai été assez déçu de ce que j'ai vu parce que. Pendant tout le concert, Corey Taylor n'a pas arrêté de répéter « On est trop contents, c'est la première date en France, on vous réserve plein de trucs super. Ouais. » Et ils ont fait le même show que 3 jours avant, qui était disponible en, ah ouais, ouais. En streaming, qui était où, je sais en plus. En Grèce, non. Non, non, c'était pas en Grèce, non, non, non. Alors, c'était pas au Weekend, parce que le Weekend, c'est arrivé après, mais c'était, il y avait eu un festoche, et c'était quasiment le même concert. Ah ouais, c'est la machine, quoi. Et du coup, ça m'a un peu déçu, parce que je m'attendais à ce qu'il marque le coup un peu plus. Ouais, ouais, mais là, ça. Du coup, c'est perso. Ouais. Et pour en revenir au concert en lui-même propre, ce que j'ai pas aimé, c'est que moi, je connais Slipknot depuis le début, depuis leur premier pas nulle part ailleurs, où t'arrives et tu vois une espèce d'ovni qui ressemble à rien, qui vient tout péter. Bon, après, c'est du théâtre, c'est du show, mais ça marchait bien. Et là, maintenant, on est vraiment arrivé à un truc qui est tellement carré. Mais tellement carré, c'est tu la vois. Machine, quoi. Tu vois, ils ont changé de percussionniste à cause du truc qu'il y a eu. Et maintenant, les deux percussionnistes, ils jouent tout en même temps synchro. Et du coup, je voyais vraiment un spectacle trop bien huilé. Et ça, pour moi, ça manquait du Slipknot d'origine qui était vachement plus. Drogué. Sûrement. Mais. Bourré. Je te dirais que c'est assez paradoxal trash, parce que. Enfin, voilà, dans le sens où t'as connu le Slipknot du début qui était justement une machine de guerre. Ouais. Parce que quand ils ont commencé leur premier album, c'était une tuerie. Ouais, mais même le deuxième. Ça a tout de suite. Iowa, c'était quoi. Encore ça. Après, c'est devenu et plus tu propre. Tu te dis que t'avais une machine derrière. Et maintenant, moins cadré, quoi. C'est une grosse machine, mais moins. Non, mais en fait, si tu veux, si je devais faire une comparaison, qui est totalement un peu stupide, mais j'ai été voir Metallica au Stade de France et j'ai continué de prendre une claque avec des mecs que tu vois qui sont en train de kiffer la musique et que même si c'est hyper propre, hyper huilé, hyper carré, tu vois encore le truc. Quand j'ai vu Slipknot, j'ai juste vu ça le truc. Rien à voir. Mais non, mais c'est pour dire, j'ai vu le truc carré et gros, mais j'ai pas vu les mecs la même passion, le même truc. Hey, mais ça n'a rien à voir. Metallica, c'est des mecs qui sont. Le groupe est créé depuis 81. Slipknot est créé depuis 99. Oui, mais ça change pas ce que tu vois aujourd'hui. Si, parce que justement, t'as la mentalité des mecs derrière qui va jouer. Bah oui, justement. Bah, Metallica, oui. Maintenant, on a eu Metallica qui a été acheté par. C'était pas Live Nation ou je sais pas quoi, où tu pouvais plus faire ce machin. Et maintenant, ils sont un peu plus tranquilles, eux, de ce côté-là. Non, ils ont toujours été tranquilles, c'est juste qu'ils ont fait des arrangements, mais ils ont toujours fait ce qu'ils voulaient. Bah, c'est toujours ce que j'ai entendu de la part de Metallica. Et non, mais maintenant, les mecs ont une mentalité complètement différente. Ils disent, on est plus cool, et on se prend moins la tête. On kiffe ce qu'on a toujours fait, mais plus librement. Tu vois. Mais c'est pas ça, c'est que tu le ressens sur scène quand ils jouent. Tu sens que c'est les mecs qui sont contents de scène. Et ben donc, il y a eu le problème dans ce que moi je dis. Et non, c'est pas un problème. Ah, bah, c'est quoi alors, il y a eu le paradoxe ? Je comprends pas. Bah, c'est que tu disais que, en fait, par rapport à ça, Metallica. Tu peux pas réellement comparer, en fait, c'est ça que tu voulais dire. Genre. Non, mais par rapport à Slipknot, Metallica. C'était, j'ai prévenu en disant, c'était une comparaison. Ouais, non, c'est mais plus en termes de grosses machines et de carré. Ouais. C'était vraiment. Mais est-ce que tu crois pas que c'est dans aussi la puissance de leur musique propre, quoi. Et tu bah vois, oui, Metallica mais... a quand même plus. C'est quand même mis des jalons vachement plus forts que Slipknot, malgré tout. Ouais, mais en fait, maintenant, quand tu. La notoriété, c'est plus parce que ils ont 10 ans d'avance, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Ils datent de. Metallica, ils ont posé leurs pierres, quoi. Ils ont fait genre Rolling Stone, quoi. Oui, mais il y a cet effet-là d'un groupe mondialement connu qui est posé maintenant, qui est Metallica. Ils sont pas encore assez mythiques. Bim, Metallica, c'est une entité, c'est pas le problème. Mais le concert de Slipknot qu'on a vu, moi j'ai vu un concert ultra carré d'un super groupe, mais il m'a pas fait vibrer. J'étais face à un truc que j'aurais pu être. Voilà. Oui, mais c'est ce que je t'explique depuis tout à l'heure. Je comprends pas. Slipknot, tu comprends ce qu'il explique. Slipknot, pour toi, c'est. Si, je vois. Non, moi c'est par rapport à la notoriété. À la dimension du groupe. La notoriété du groupe. Et la liberté s'impose. Eux-mêmes s'imposent. Inconsciemment, tu vas voir Metallica et peut-être que. Bah, ils s'imposent moins de ouais, ils sont plus prend au trip beaucoup plus j'ai plus envie de alors j'ai essayé de reformuler autrement. Pour moi, quand j'ai vu Slipknot, j'ai vraiment vu l'impression d'un groupe qui était le projet de Corey Taylor qui avait tout géré, tout réglé au millimètre près et que ça bougeait pas d'un pet et que ça correspond pas à leur musique justement. Leur musique ouais, est un peu. C'est trop carré. Pour, bah, je sais pas, vous l'avez vu, vous l'avez trouvé comment, vous, le concert de Slipknot? Mais ultra, ultra pro, ultra carré, voilà, et c'est pas ça. Voilà, c'est comme un spectacle en fait. C'est comme une pièce de théâtre où tous les soirs on fait la même chose, on fait la même chose. Et ben, tu vois, faut que ce soit au poil de cul près. Et ben, c'est ça. Et ben, c'est ça. Alors, c'est du chaud à la machine. Sinon, ils crèvent. Mais ouais, si c'est pas. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que niveau carrière, Metallica et Slipknot, non, mais ça, c'est ils ont 10 ans d'écart. Oui, mais pour moi, Metallica, c'est pas. Physiquement, ils crèvent s'ils font n'importe maintenant, quoi tous les soirs. D'accord. Ils ont 45 balais. Ouais, mais quand tu le vois, ça fait bizarre. Parce que ça correspond pas à la musique, justement. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Après, on a un pote qui était là avec nous, qui l'a vu, et lui, il a pris une claque parce qu'il était dans le pogo, il a adoré, c'était génial pour lui. Et c'était la première fois qu'il les voyait. Moi, je les ai vus en 2005 ou 2006, je sais plus. Au Zénith à Paris là. Ouais, aux premières parties de il y avait Plémo. Non, j'avais pas vu Plémo. Non, c'était il y avait Amen. Il y avait Statistique. Non, c'était pas au Zénith, c'était à Bercy. C'était à Bercy, c'était ça. C'était pour le Tattoo the Planet. Tu crois que c'était ça? Oui, parce qu'il y avait Slayer, il y avait Cradle of Filth. Ouais, mais c'est attends, non, parce que si, moi il y avait Mudvayne aussi. Mudvayne, et bah, j'étais à ce concert. C'est vrai. Il y avait Mass Hysteria. Non, mais moi j'ai vu que 4 bonsoir. Bonsoir. Quelqu'un aurait une clope. Ah, malheureusement non. Même si votre concert était super, les gars. Merci beaucoup. Je viens de rouler. Et c'était. C'était le Tattoo the Planet où normalement il y aurait dû avoir Pantera et ils sont pas venus à cause des attentats du 11 septembre. Oh putain, mais c'est si vieux que ça? Alors non, je confonds, pardon. Non, en fait, toi tu parles avec Slipknot, c'était pas non, si bien. Il y avait 4 groupes. Hein. Il y avait c'était Amen, Mudvayne, Statistix et. Putain, non, mais Amen, non. Non, il fait pas. Parce que Amen, Amen, t'es le seul mec que je connais qui connaît Amen. Où il a brûlé les billets. Oui, j'adorais ce mec. Et le mec de la batterie qui est maintenant dans Godsmack, il avait tout foutu en l'air. C'était le batteur de Ugly Kid Joe. C'est vrai? Et il a tout foutu en l'air. Il a tout foutu en l'air à la fin de sa batterie. Ah, je sais pas, mais c'était le bordel. Et puis il avait les cheveux courts et tout. Enfin, c'était ouf. Mais parce que personne connaît Amen, qui est un groupe de punk à moitié punk hardcore, mais complètement fou quoi. Je connais Amen de nom, mais. C'est vachement bien. C'était efficace, sa mère. Et sur scène, ça. Et Static X, c'était bien aussi, malgré ça. C'était bien, ouais. Et Mudvayne. Mudvayne, c'était chiant. Ah bon, t'as pas aimé? Oh, ça me faisait chier. Ah, moi, je regarde le bassiste et je suis heureux, moi. Parce que tellement il joue. Ouais, mais c'est un. Non, ça m'a jamais. Non, ça m'a jamais. Putain, non, le quatrième groupe, c'était pas Slipknot. Mais Slipknot, en tout cas. Non, c'était ça. C'était pas ça. Je suis sûr que c'était pas ça. Il devait y avoir deux meufs dans toute la salle. C'était que des gros mecs torse nu. J'avais pris plein la gueule. Je suis plein la gueule. C'était pas Slipknot. J'ai vu le même concert que toi. Et Joey qui tournait tout, ils étaient encore en rouge. Faux, vous mentez, monsieur. Je vous connais pas. Vous dites n'importe quoi. C'est faux, c'est 2006. C'est pas obligé. C'est pas un truc comme non, ça. C'est pas 2006. Ou alors les gens vérifieront. Et ben, ou alors on a vu deux concerts similaires, mais pas du tout à la même année. Ouais, ça peut être ça. Ouais. Ils ont peut-être tourné. Parce que moi, j'ai vu les mondes. Ça se trouve, c'était dans ta réalité à toi. Dans un monde parallèle. Exactement. Sliders. Bah, très bien. Bon. Alors ce petit concert à Speak, c'était comment? C'était bien. Salut les gars. Salut. On se retrouve sûrement plus tard. Il va pas. Ouais. Mets un peu de tu la mort. Mets un peu de tu la mort dedans. Repars pas les mains vides. J'ai pas le droit ça. De quoi? Qu'est-ce que tu disais? Vous avez pas le droit? Non. Bah non. Est-ce que t'as envie de nous parler un petit peu de ton groupe? Je vais peut-être attendre qu'on soit tous ensemble. Ah bon, c'est comme tu veux. Je sais pas, qu'est-ce que. Bah, si t'es là, tu sais, nous après, c'est toi qui sais. On a remarqué qu'au niveau du timing, on était un peu chaud pour tout le monde, donc si t'as. Nous, en fait, on pensait vraiment, ouais, pendant un moment, se réunir là, on bouffe vite fait et après. Bah, comme tu veux, écoute, on voit ça, y'a pas de souci, qu'un problème. C'était comment le show alors? C'était bien? Ouais, c'est. Peu de mal à se mettre dedans, mais c'est. T'as l'air crevé. Ouais, mais c'est ça qui est bon. Ouais, c'est ça qui est bon, ouais. C'est ça qui est bon. La transe de la musique, c'est vrai ce que tu dis. C'est un autre orgasme. C'est clair. Une thérapie, moi j'irais. Parce que ça, je la. d'être contre Mélenchon, tout ça, on peut couper, il y a pas. D'accord. Ou contre Sarkozy, ou on s'en fout. Pas. On n'est pas là pour faire de la politique, hein. C'est vrai. Ouais. C'est vrai ce que tu dis. Je peux couper, c'est car c'est ma partie la technique, et c'est pour ça que ça me. Donc on est toujours au festival Graf Zeppelin dans la tente loge artiste. Depuis le début en fait. Bonsoir. Donc, tout ce qu'on disait, c'est mon délire, j'aime bien enregistrer quand les gens ne savent pas. Et donc nous sommes avec le groupe. Et du coup, je me fais baiser toutes les semaines, hein, parce que à chaque fois. Non, c'est pas le nom du groupe. Hey, c'est pas le nom du groupe. Je me fais baiser toutes les semaines. C'est un peu long. Ouais, donc ça, et puis en anglais, ça paraît. C'est vrai ce que tu dis. C'était chouette. Et donc nous sommes avec Aspic, qui est un groupe parisien. C'est vrai. Je le sais. Je l'ai lu sur votre page Facebook. Qui officie plutôt dans quel genre? Alors, on nous a catégorisé de ethno-prog, donc ça ne veut pas dire grand-chose, dit comme ça. Mais qui c'est qui a fait ça? Parce qu'on peut le retrouver. Hein, moi, c'était une chronique, c'était, je sais plus. C'était une radio. Ouais, c'était une radio, C'était pas un podcast? Si. Merde, parce que sinon j'allais dire les amateurs, mais du coup, je crois qu'on était un peu mal barré. Non, mais ils ont dit ça et c'était assez. Ça, c'est juste. Ouais, parce d'accord. Que donc on a un groupe de métal progressif. Ouais, j'ai cru entendre ça. Et on utilise des techniques de chant qu'on pourrait appeler ethniques, après c'est une étiquette assez large. Mais oui, il y avait ça, par rapport à vos lyrics qui sont écrits dans... Il n'y a pas un truc ouais, comme ça. Ouais, on a inventé notre langue. Voilà, c'est ça. Et bon, on chante aussi en anglais, c'est les deux. Il y a un mélange des deux, ouais. Et donc c'est une langue qui veut rien dire, mais c'est une langue musicale, tu vois. Dans les inspirations, on peut citer Magma. Ouais. Je sais pas si tu connais, un groupe de prog légendaire. Et Christian Vandeer. Exactement, qui ont inventé le cobayen. Oui. Et qui est une langue qui veut rien dire aussi, mais... Exact, qui a influencé après tout le monde, ouais. Plus à la musique, à ce qu'ils voulaient délivrer. Ouais. Et nous, on pouvait pas, juste avec l'anglais, déjà, avec notre niveau d'anglais, c'était pas fou. Donc du coup, plutôt que de tricher, vous avez inventé une langue. Exactement. Vous avez triché d'une autre façon, donc. Est-ce qu'elle a un nom? C'est vraiment pour que ça corresponde complètement à la musique, ça soit vraiment quelque chose d'universel. Donc non, on n'a pas donné de nom spécialement, mais en fait, c'est moi qui ai écrit la plupart. C'est intéressant. Donc on a l'auteur en direct. Donc en fait, la technique, elle est très simple, c'est que je me sers de mon oreille, je travaille avec le nom des notes, hein, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et en fait, par rapport à ça, quand je chantonne, je dis un peu le nom des notes, pas trop articulé, do, ré, ri, le, ré. Je fais comme ça avec les voyelles et qui ressortent un peu dans tout ce qui sonne musical. Voilà. Et donc par rapport à ce trait-là, je construis des consonnes qui vont façonner et donner des attaques à cette ligne mélodique. Et donc tu écris principalement tous les textes? Non, juste la langue. Ah bah, juste la langue, donc ouais. Du coup après tu refiles ça et c'est... L'anglais, c'est la chanteuse. La chanteuse c'est et moi, ouais. D'accord. Et sur l'écriture de la langue inventée, de toute façon, c'est une langue un peu stylisée, si tu veux. Comme c'est une langue qui est musicale et qui est une langue orale, l'écrit est approximatif. Tu vois, on essaie de se rapprocher au plus possible, mais... C'est de la phonétique. Ouais, c'est ça. Mais on a quand même, dans notre livret, un album, t'as tout qui est écrit joliment. Et même sur nos t-shirts, si tu regardes sur les manches, t'as une langue qui est écrite. Ah, c'est stylé. On essaie de se rapprocher un peu des dialectes nordiques, etc. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on a l'étiquette ethnique. Mais... C'est pas ethnique, on vient tous de Paris quoi. Mais Paris c'est assez ethnique. Ouais, tu traverses tout Paris, t'as toutes les tranches. C'est vrai qu'on ressent, on a des inspirations de langage un peu nordique, etc., sans être des grands experts dans le domaine, mais c'est dans ce sens-là. Et puis dans la technique aussi, on a du chant qui est assez lyrique et des choses qui sont un peu plus travaillées, notamment notre dernière chanson là qu'on a jouée, où vraiment on a une sorte de. Apparemment, c'était quelque chose, on l'a raté, mais. Parcimonie ici présente a dit que c'était très très très bien. C'est une chanson qui est très sur une sorte de transe obsessionnelle, surtout sur la fin, et on fait monter une sorte de... C'est assez chamanique, tu vois, et quand tu dis chamanique, ça te fait penser à une ethnie, etc. Ça me fait penser à de la drogue. C'est pour ça, je pense que l'étiquette... j'ai mauvaise référence. L'étiquette colle plutôt bien, donc on dit ethnoprog, mais on peut dire métal progressif. S'il faut mettre une étiquette quoi. Non mais c'est vrai que c'est ce qu'on essaye en fait justement nous de pas forcément faire. En plus on est un peu contre les étiquettes, mais c'est vrai que c'est ce qui peut donner des repères aux gens pour un peu savoir. Il y a du calme, il y a du calme et tout ça dans des signatures rythmiques compliquées, donc c'est du progressif. Ce qu'il y a d'autre pour cataloguer un peu, on va dire, pour donner une étiquette, ce serait le côté, l'influence au niveau de la forme, au niveau du classique. Ouais. Parce que nous on a tous des formations classiques. Oui, c'est ce que m'a dit j'ai oublié son prénom qui est au stand. Alex. Ouais, qui vous gère. Oui, voilà. Notre manager. On sort tous de musicologie, donc moi pour la composition, je cherche vraiment le contraste comme dans les mouvements symphoniques, etc. C'est-à-dire des moments chargés qui vont aller plus ou moins vite et des moments beaucoup plus calmes qui vont faire contraste pour pouvoir apprécier le silence, le côté reposant, relaxant. Et ensuite pour pouvoir redonner d'intérêt au prochain rythme plutôt que les enchaîner et perdre de l'intérêt au fur et à mesure des enchaînements. Ouais, donc ça c'est une grosse influence de la structure, de la forme classique. Et moi c'est vraiment ma conception de la musique. Et du coup, appliqué au métal, c'est peut-être le plus intéressant parce que c'est quand même le genre musical avec le plus de puissance qui puisse être délivré, surtout sur scène. Et la gaguette, donc, avoir ce potentiel de puissance avec justement des contrastes très, très calmes, c'est quelque chose qui est encore plus puissant que limite un orchestre symphonique dans l'idée. Et nous, c'est vraiment. Là, récemment, il y a quelqu'un qui nous a comparé à Nightwish, tu vois. Mais strictement aucun rapport parce qu'on est une chanteuse, etc. Par rapport justement à cette idée de métal symphonique, où on dit que c'est du métal mélangé à du classique, on s'oppose complètement à cette idée-là, où au final, la seule influence classique dans ce genre-là, c'est qu'on va mettre des violons, ce synthétiseur, tu vois, derrière. Mais nous, on pense avoir pris la plus grosse essence du classique, dans le sens où elle structure notre forme, nos nuances, et carrément les morceaux entiers, quoi. Et pareil sur l'écriture, des lignes, etc. Et des techniques de contrepoint, d'harmonie qui viennent vraiment de ça, quoi. Donc on est vraiment dans cette branche. Et du coup, c'est pas difficile avec une façon de faire comme ça, d'avoir des thèmes, des thématiques de chansons ou de textes? Oh bah ça a pas trop de rapport au final. Bah ouais, enfin les textes sont super évasifs. Bah ouais du coup. C'est pour ça que je dis ça. Ouais, on défend une idée vachement laquelle. Tu sais, on préfère les idées justement ça va être plutôt l'auditeur qui aura une interprétation en fait. On expose un paysage, un décor, des décors, contexte, ensuite on raconte une histoire assez vaguement et puis l'auditeur pourra se reconnaître, pourra interpréter en fonction de son vécu et de son expérience. En fait. D'accord. Et puis on commence par les notes et ensuite on rajoute généralement. D'accord. Voilà, c'est la mélodie qui va primer avant le texte. On part pas d'un thème, on est dans ce mood là et tout. Ouais. C'est vraiment c'est le dernier truc qu'on fait le texte. C'est vraiment pas le plus intéressant, je dirais, chez nous, mais. Après bon. Donc c'est quand même vraiment vraiment très recherché en fait tout ce que vous faites. Bah musicalement on essaie. Ouais. Bah on a vraiment des. Enfin on se prend la tête quoi. Ouais bah ça. Ça se voit, hein. Là on vous a juste demandé c'était quoi le style et ça fait 45 minutes. C'était, on aime bien parler de musique, tu vois, qu'on a l'occasion de le faire. Non mais c'est clair. Non mais il y a beaucoup de choses à dire, hein, parce que c'est une musique qui est assez complexe et. Totalement. Et j'imagine que c'est pas facile de la comprendre au premier coup. C'est que vous mêlez aussi la psychologie à votre musique. Bah, ouais, bah. Coup, c'est encore plus que de la musique, quoi. C'est carrément. Enfin, je sais pas, vous rentrez, vous essayez de rentrer dans la tête des gens. C'est ce qu'on a au plus profond de nous, en fait. Il n'y a rien de superficiel, c'est la profondeur absolue et on essaye de vraiment ce qu'on a au fond de nous, de le sortir et de transformer en son, en émotion. Eh ben, ça marche. Oui, elle a vraiment. Comment t'as dit d'ailleurs? T'as voyagé? J'étais en transe. Ah. C'est le plus beau compliment qu'on puisse avoir. Et encore, t'as pas eu tout. Le dernier morceau, ça a été vraiment l'apothéose. Vraiment. Ouais, bah c'est le but. C'est pour ça qu'on le met à la fin. On essaie de terminer tout le monde. Ouais, nous on s'est dit c'est trop compliqué pour nous. On était partis. Moi j'ai dit que j'allais pas comprendre. Je pense que c'est plus facile. Je leur disais tout à l'heure, si on avait une heure et demie de set, on pourrait la faire durer 15 minutes. Ouais, carrément. Après, c'est physique. Mais limite, c'est trop court par contre. Bah là, on avait des timings, tu vois. Mais franchement. L'album il fait une heure. Très sympa d'ailleurs, moi quand je l'ai écouté sur Spotify. Bah parce qu'on doit jouer 40 minutes, tu vois, c'est pas. Mais nous, si on pouvait jouer plus, on jouerait plus. Après, physiquement, c'est dur. Tu m'étonnes, ouais. Celle-ci, elle est horrible. Ça doit être très épanouissant. Ouais, mais bon. Très fatigué après. Ouais, mais. Mais bien peut-être, apaisé. Ouais. C'était cool. Ça dépend, on est dur avec nous-mêmes quand même. Mais. Pourquoi vous n'êtes pas satisfait de la prestation de ce soir par exemple? Non. Non. Mais c'est pas grave. Faire mieux, on peut toujours. Non, mais il y a. Monsieur, on a vraiment cet héritage du classique et tout, et du coup. La rigueur. Ouais, c'est ça. Et nous, ça, c'est un truc vraiment. Enfin, je veux. C'est bon, les radios, c'est fait pour pousser des coups de gueule aussi. Mais vas-y, lâche-toi. On est là pour dénoncer. Salaud. Vas-y. Mais si tu veux, dans la sphère métal, etc. Enfin, pas métal, mais rock. Enfin, nous, on a beaucoup de mal avec les démarches de groupe, tu sais, qui. Enfin, qui prennent ça à la rigolade, entre guillemets, je veux pas faire le groupe chiant, mais non, si tu veux, nous on pousse. non, mais on a du respect pour l'auditeur déjà et pour nos. Du coup, ton avis sur Ultra Vomit? Bah, je trouve ça super drôle et ils sont super pros, tu vois. Parce que là, il n'y a vraiment aucune cohérence avec ce qu'il vient de me dire. Non, mais non. Oui, c'est vrai. C'était pour le troll. C'est des bosseurs, tu vois. C'est clair. Il n'y a aucune superficie. Non, nous, tu fais ce que tu veux, même si c'est un truc qui nous plaît pas, on s'en fout, tu as des goûts. Mais la rigueur du travail, c'est-à-dire d'arriver sur scène et tu joues bien les morceaux, ça, c'est le minimum. Et après, l'interprétation, etc., tu sais, genre. Du coup, essaye de jamais écouter un épisode de notre podcast, s'il te plaît. Donc, il y a des... Non, mais après, bon, au-delà de la musique, on est plus tolérant. En termes, ne nous écoute jamais. Jamais. Non, parce que tu vois, on cite notre Gojira, par exemple, qui est un peu la référence du métal français. Ils sont connus pour avoir cette rigueur de travail, mais c'est démentiel. Nous, on est des petits. Non, mais ils sont exigeants avec eux-mêmes. Ah, bien sûr. C'est la base du plantier. C'est 3 heures de batterie par jour pour se tenir en forme. C'est plus que ça, je crois. C'est largement plus que ça, je crois qu'il doit être pas mal. Mais tu vois, résultat, quoi, il y a aucun groupe qui joue comme eux sur scène, et du coup, c'est ce qu'on cherche, tu vois, enfin, toute proportion gardée, mais c'est ce qu'on aimerait faire et ce qu'on va essayer de faire, quoi. Donc, vous voulez vraiment faire votre carrière dans la musique? Bah, nous, on est on a tous les cas différents, c'est un peu l'idée, c'est ça. Moi je vis de la musique, je suis batteur de session à côté pour d'autres trucs, mais le but ultime serait de vivre de projets. Après, on est réaliste, quoi, le métal, c'est pas facile à faire tourner, encore plus quand t'as un projet qui est assez complexe, tu vois. Et de niche un peu. Ouais, mais par contre, ça peut peut-être s'exporter plus facilement. Ouais, on kifferait tourner en Allemagne, hein, ce serait un peu le but, j'avoue. Pour avoir fait des tournées là-bas, je sais que ça plairait pas mal, ou même un peu dans les pays nordiques et tout. Mais tu vois, être programmé dans une affiche où il y a des groupes qui nous correspondent, où t'es programmé un truc ultra vénère, t'arrives, les gens ils kiffent pas, quoi, c'est normal. Et ils vont manger en général, ils vont pisser comme ça. C'est pas facile. Non, Trust, c'est pas ultra vénère. Non, mais pour. Ouvrir des portes à des gens aussi. Enfin, je pense. C'est le but. Je pense que c'est ça l'idée aussi. C'est le but. Il y en a qui nous découvrent et qui adorent, mais c'est vrai que c'est pas facile, c'est d'arriver après des mecs qui foutent une ambiance de. Parce que nous, on n'est pas là, on n'a pas une interaction folle avec le public. C'est vraiment, on est là pour la musique, quoi. Oui, c'est la musique. C'est la musique qui doit faire l'interaction avant nous, quoi. C'est ce qu'on aimerait. D'accord. Vu qu'on est dans une société qui est de plus en plus difficile à ce niveau-là, justement. On est assez réaliste, tu vois. Et du coup, une affiche comme ces deux jours, est-ce que ça vous convient? Parce que ça, vraiment, c'est un éventail de genres qui est assez large. La façon dont ça a été construit, c'était sur une sorte de crescendo, c'est-à-dire ça commençait par le rock, le hard rock. Nous, on était entre le métal et le rock, et là, c'est ultra métal. Ouais. Donc ça passe dans cette configuration, mais après, on est. Enfin, le groupe qui était avant nous, c'était un peu dans la même vibe, un peu. Boromir. Ouais, avec un peu des trucs qui redescendent, qui remontent, donc ça allait. J'ai trouvé très bon, hein, franchement. Ouais, c'était très cool. Les mecs. Ouais, c'est clair. Le batteur était bon. Les mecs, ils nous ont dit, ouais, ça fait 8 mois qu'on n'a rien fait. Très créatif. c'est le jeu. Et votre collègue tout à l'heure nous disait que vous avez votre prochaine date, c'est la prochaine, c'est ça que tu veux dire ? Ouais, 30 novembre. 30 novembre au petit bain. Au 30 novembre ? Ouais. C'est sympa, c'est pour mon anniversaire. Tu es le bienvenu. Hein. Ah purée, mon, ça va. C'est où ? C'est au petit bain ? Oh la vache. Vous n'êtes pas du tout de Paris ? Non, on est de Saint-Lô. Je sais pas où c'est. Mais si, tu sais, tu dis. Ah, c'est à une demi-heure d'ici. Ok. T'es à Paris, l'Ouest ? Tu fais ça. C'est la préfecture de la Manche quand même, s'il te plaît. C'est-à-dire t'as un problème de. Pour nous. Mais bon, à la base, je viens du 93. Ça excuse, ça passe. Ça va. Je suis un vrai. Et du coup, première partie de Misanthrope. 2014. C'est quoi? Bah, je vois. Non, mais t'as le droit, t'es avec nous quand même, on t'aime. Et c'est ça qui compte. Ça qui est bon. Je suis bien à Lisieux. C'est très bien. Oui. Du coup, 10 minutes? Ouais, c'est ça. À peu près. Ouais. Et donc, okay, oui, et Misanthrope alors. Ouais. Fan ou pas? Alors je connaissais pas avant qu'on nous programme sur la date. Mais c'est un très vieux groupe et apparemment c'est des pionniers un peu du genre. Donc, comme ils cherchent des trucs positifs à dire, c'est beau. Hein. C'est moi je l'ai chroniqué. Ils nous accueillent les bras ouverts. Je l'ai chroniqué, j'ai pas dit des trucs sympas. Hein. J'ai pas tout dit des trucs sympas. Non mais je t'avoue que. Bien ce qu'il dit, moi. Tu devrais le prendre dans le podcast. Ouais, t'as rien à faire pour la. Tu vois, une fois par semaine, 24 on fois. On peut se faire un Skype si tu veux. Hey, ça pourrait être sympa. Faut tirer des groupes au sort, tu vas écouter des trucs sympas. Ah, je suis chaud. Ah, des bonnes découvertes. Mais attends, t'es fou, on a trouvé des trucs. Cracher sur des groupes, c'est un passe-temps. Donc, si ah, c'est vrai. Putain, mais là, je vais pas le faire pour Misanthrope parce que. Enfin, déjà, j'ai. Ah, parce que tu joues avant. Déjà, tu viens déjà dire que tu peux pas le faire parce que contractuellement, ça se fait. Non, mais concrètement, c'est pas du tout dans mon goût musical. Mais je respecte la démarche, etc. Quoi. Après, on va voir, je pense qu'en live, ça peut être chouette. Nous, ça va être très très dur parce que c'est à l'opposé de notre public. Ouais. Et ça va être hardcore. Mais c'est une très bonne salle. Et exactement, puis, bah, c'est un défi, quoi. Si tu veux, si on arrive à choper le public, c'est bien joué, quoi. Et il y a d'autres concerts après, ou c'est vraiment celui-là Pour l'instant, on n'en a pas de prévu, mais on travaille. Des prochains morceaux, peut-être, à venir? Peut-être un clip, hein. Ouais, peut-être un clip qui va pas tarder. Alors, on essaie de préparer au maximum. Ouais, on a pas mal de choses sur le papier de près. On a quand même 2 albums de près sur le papier. Ah ouais? En plus, on a 3 heures de musique de près. Mais le boulot, rien que pour les jouer, il nous faut au moins 3-4 ans, je pense. C'est encore plus dur. C'est hardcore. Encore un cran. Donc vous avez écrit de la musique que vous n'arriviez pas à jouer. Ouais, c'est ça que je trouve dingue, quoi. C'est qu'il y en a, ils sont là, putain, quand on fait quoi? On a du boulot à faire. Ouais, mais on fait quoi? À ce niveau-là, on a vraiment beaucoup de... Bah, on s'est arrêté, du coup, parce qu'on peut pas jouer trop de musique. Du coup, ouais, mais si tu veux, ça nous pousse encore à travailler, quoi. Mais du coup, ça se passe comment? On répète les morceaux? Non, ils sont trop durs. Viens, on en écrit des nouveaux. Parce que là, ceux-là, ils sont chiants. Viens, on fait du punk. On a commencé, on travaille gentiment, on les entame. Ouais, voilà. Mais c'est beaucoup de boulot, quoi. Et après aussi, il y a toute la préparation technique qui va à côté avec ce que tu nous racontais, le fait de l'enregistrement qui a été compliqué, tout ça, que c'était bien des conditions bien particulières. Ça prend énormément de temps. Pour le premier album, j'ai dû réaliser l'entièreté du mixage. J'ai jamais fait de mix avant d'avoir tout ça. T'apprends vite après dans ces cas-là. J'ai passé énormément de temps en plus du reste, donc vraiment ça prend beaucoup de temps. La composition, c'est une partie du temps. Après tout l'enregistrement, le mixage, apprendre les morceaux, préparer le set pour les concerts, avec les sessions, avec les retours, les samples, toutes ces choses-là. C'est énormément de travail. C'est un boulot à plein temps. C'est sûr. Si tu veux vraiment avoir un truc dont t'es fier, c'est un boulot de taré. Un boulot bénévole en plus ou moins, tu vois. Moi, vous venez complètement me déprimer de la musique, moi j'en fais plus. Non, je vais appuyer sur un bouton. Dans un autre cadre. Non, mais nous, on veut pas faire ça, nous, on veut faire la musique comme on fait le podcast. Ah ouais. Ça, on pourra cracher sur votre groupe. Déconnez pas, sinon on le fait ce groupe exprès pour que vous puissiez cracher dessus. Hein. Ah bah ouais, on fera notre propre podcast après. Ah, super bien travaillé. Putain, vous avez vu les mecs. Avant que vous en sortiez un, on aura déjà splitté 4 fois. Donc on est là. À cause de la drogue, à cause du boudin noir. Je sais pas quoi. Mais du coup, si jamais il y a un membre du groupe qui se barre pour en retrouver un, c'est une tannée en fait. Oh bah... Parce que du coup là, t'as pas le niveau, mec. C'est déjà passé. De chanteuse et de guitariste déjà. C'est hardcore parce qu'il faut tout reformer, tu sais. On a déjà, on a une heure et demie, une heure de musique qui est vraiment super cœur. Donc pour réapprendre et tout, surtout que tout est calé à la perfection par rapport à la session qu'on a sur scène. Enfin, c'est un boulot énorme, quoi. Mais on veut s'entourer de gens qui bossent. T'as déjà arrivé à me stresser. Imaginez. C'est pas que ça paraît facile, mais c'est tellement fluide que voilà. Il bougeait les cheveux tout à l'heure quand il jouait, ça va, il se détend quand même. C'est bien que vous disiez, parce que c'est vrai que... Bah ouais, mais justement, quand ça paraît fluide sur scène, c'est que ça a été travaillé un milliard de fois avant, quoi. Sinon, c'est que c'est... Tu vois. Mais ouais, ça devrait jamais cet enregistrement, genre. Attends, à la base, nous on est dans une chaufferie, on a un ordinateur, deux micros, c'est pas toujours à peu près bien. On s'est dit, allez, pour ce soir, on tente un nouveau délire avec ça. Jamais ça va sortir. Alors, je suis désolé, les gens, vous écouterez jamais cette interview, c'est pas possible. Tu l'envoies, nous, on fait tourner. Non, va falloir. Il va la remixer. Il va sortir dans 2 ans. Il va sortir dans 2 ans. Il y avait un petit souffle sur la droite. Au fond, ça me plaisait pas trop. De quoi? J'entends rien, moi. Y'a pas de souffle. Ça passe. Non, mais en tout cas, c'est hyper intéressant de discuter avec des gens autant passionnés parce que. C'est assez, assez dingue parce que c'est vrai qu'on voit bien qu'il y avait du niveau sur scène, on voit bien que la qualité était là. Moi, quand j'ai écouté votre disque, je me suis dit, ouais, putain, c'est super précis. En fait, ce qui m'avait vraiment impressionné, c'est quand j'ai publié une de vos vidéos live de YouTube sur notre page pour faire un peu la promo du Festoche. Je me suis dit, putain, mais c'est rare qu'une vidéo live soit aussi propre que ça. Je m'étais fait la réflexion, je me suis dit, mais c'est fou. J'ai passé une journée à préparer l'install des mics, j'ai acheté des matos, j'ai fait des trucs. Non, mais c'est hallucinant parce que je sais pas, il y a d'autres groupes, je sais pas pour. Mais ils ont été juste enregistrés à la fête de la musique. Bah, tu vois, nous on évite hein, ce genre de truc. C'est pas pareil. Il nous faut vraiment. Je me demande si c'est pas. Dont on est fier. Ouais. Si c'est pas à ce moment-là où je me suis dit, ah oui, effectivement, en fait, ils vont crescendo. Quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont. C'est en fait, les groupes, c'est mieux en mieux produit. Quoi. Et, ah ouais, tu penses que c'était dans ce sort-là. Ah non, ouais, ouais, moi j'ai trouvé ça vachement ouais, propre en fait, crescendo. Quoi. T'avais le petit groupe qui était là, avec le son tel qu'il était. Et puis plus ça allait, plus tu voyais que les groupes. Tu veux dire que pour Malège, c'est mieux produit que nous. C'est ça que tu veux. Ouais, carrément. Attendez, les gars. Donc, derrière, ça vous encourage à travailler plus. J'avoue, parce que vous bossez pas assez. Primal Edge, ils existent depuis 93 et sur leur page Facebook, ils ont une adresse en awel.com. Moi, je respecte ça, d'accord. Ça, c'est des vrais. Awel.com. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière, les gars? Là, tu peux pas Non, ils ont pas un petit Gmail ou un truc. Non, awel.com. Quand j'ai vu ça, je fais oh, c'est hallucinant. T'envoies un mail, j'ai sur mon tam-tam une interview au Rock to FS. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Les notifs et tout. Non, rose. Mais si tu veux, pour ce côté produit aussi, on a fait le choix de. On a travaillé 2 ans dans l'ombre avant de sortir le moindre truc, tu vois. C'est-à-dire qu'on a décidé, quand on arrive sur scène ou qu'on sort un truc, c'est que c'est bon, quoi, on peut le faire. Si tu veux, on n'était pas dans cette optique de ouais, on va se perfectionner sur scène, genre de truc. Des concerts, machin. Non, on attendait. Ouais. Il fallait que ça soit prêt à 100%. Je suis entièrement d'accord avec vous et jamais on aurait fait un podcast. Je vous jure, c'est tellement l'inverse. On s'est dit à un moment donné, faut y aller. J'ai mis 2 ans à le lancer. Juste. Faut y aller. Et là, ouais, mais tu sais, dans des domaines, ça fonctionne très bien aussi. Nous, c'était notre choix personnel. Non, mais je suis entièrement d'accord avec vous. J'ai tendance à être justement méga comme vous, dans un sens. Non. J'ai 1 milliard de projets qui sont dormants, que je sors pas à cause de ce genre de trucs. La première émission, au bout de 2 ans, on l'enregistre. À la fin de l'émission, les gars, j'ai perdu le fichier. Non, c'est vrai, ouais. Ah, merde. Non, j'ai réussi à le retrouver. Il était caché dans un dossier, un vieux cache, en fait. Voilà. Donc, mais... Ah oui, je me rappelle de ce moment. Putain, le stress. Ah oui, je me rappelle. J'avais envie de pleurer. C'est de là, en fait, à la base, il est brun. Ouais, j'ai plus de cheveux maintenant. Il a les cheveux J'avais plus de cheveux. Non, c'est l'erreur. Je les ai vus tomber. Le même jour. Il n'y avait plus rien. Non, mais voilà. Est-ce que vous avez des questions, les gens? Est-ce que vous avez des questions à vous-même? Est-ce que vous pouvez nous faire jouer au Hellfest, du coup? Aucun rapport. Eh ben, aucun lien. On aimerait bien. On va faire de l'autre mieux. On va parler de vous et voilà. Pourquoi tu balances des trucs? Vas-y, bah parle des gens, toi, vas-y. Ben oui, et ben peut-être que ça peut aider. D'accord. Je vais essayer de voir avec Yohan. J'ai eu un contact avec Yohan. J'ai laissé un CD à des gars de l'Orga au dernier Hellfest. Vous avez été au Hellfest? Ouais. Ah, quelle année? Là, cette année. Apparemment, pas tout le monde. Ouais. Mais on ne juge pas. Qu'est-ce que vous avez vu et adoré? Nous, on venait pour Tool, qui est notre... Je vois pas. C'est passé cette année? Tool. Bon, on va arrêter le podcast ici. Ah, attendez, vous avez écouté le dernier album? Ouais, bon, déception énorme. Ah bon? Ah ouais, putain. Ah bah, pas moi. Ah non, je suis trop triste. Pourquoi? Bah, c'est en dessous, hein. C'est clairement en dessous, je trouve. C'est moins recherché, c'est, mais c'est plus ça, mais... jamais, c'est plus c'est long, plus mou. Tu vois, les albums d'avant, mais c'est des bibles, quoi. Mais justement, pour moi, en fait, je l'ai... Ouais, mais ça... Non, c'est toujours très bon, mais putain, Tool. Ah, quoi, hein. C'est toujours très bon. Relativement à Tool, ouais. On est déçu. C'est parce qu'en fait, vous attendiez. Non, mais peut-être parce que vous attendiez trop, justement. Ouais, bah oui. Moi, je me suis dit, je vais voir ce qu'il me propose. On voulait des choses plutôt quand même. Enfin, on voulait plus de nuances, justement, plus de le côté classique, de côté puissant et de côté. Ce qu'ils ont, tu vois. Ce qu'il y avait dans les anciens albums. Mais là, il n'y a pas eu, par exemple, il n'y a pas un script. Ouais, il n'y a pas un. C'est plus sur la longueur. Il n'y en a pas eu un seul de puissant, de screen posé. Ouais, à la première écoute, je me suis fait chier. J'étais là, putain, mais c'est pas possible d'avoir ce sentiment en écoutant ça. C'est la première écoute. Ouais, bah je l'ai bien écouté. Moi, franchement, je suis parti en me disant, ok, je vais voir ce qu'il me propose. Et j'avais pas trop plus d'attente. Et je me suis dit, ouais, j'ai pas voulu du tout comparer avec le reste. Je me suis dit, ouais, j'ai apprécié ce que j'ai écouté. Mais après, est-ce que vous, pendant ce temps-là, entre le dernier album que vous aviez écouté et aujourd'hui, et tout ce perfectionnisme que vous avez mis en vous, ça rebondit pas un petit peu, rejaillit sur le reste de ce que vous écoutez? En l'occurrence, Tool qui était. Forcément, un peu, on peut pas le mesurer, mais un petit peu, bien sûr. Mais ça n'empêche qu'on avait quand même une critique assez objective. Donc franchement, si on était objectif, déjà, c'est qu'on est moins rentré dedans. Et quand on est moins rentré dedans, donc on a fait le détail et on a analysé. Et puis voilà, on s'est rendu compte de ces points-là. Mais comme on a dit, vraiment, on passe quand même, c'est agréable à écouter. On aime vraiment, mais c'est vraiment relativement en groupe par rapport à ce qu'ils ont fait à leur passé. Bah oui, ça, oui. Et surtout par rapport au live qu'on a vu au Hellfest, justement. Ouais, au Hellfest, on s'est pris une claque incroyable, intersidérale. Et pourtant, il y en avait du nouvel album. Ouais. Et là, ce concours a été fait en live, on était là, putain, il va être incroyable cet album. Ouais. C'était les deux meilleurs morceaux de l'album. Mais en fait, en plus, ce qui est impressionnant, c'est que c'est hyper dur de pas décrocher tellement visuellement, ils te chopent de partout. C'était d'où les écrans, quoi. C'était fou. Et la performance, le jeu. Et en dehors de Tool, Cult of Luna. Ouais. Cult of Luna, c'était vraiment excellent. Hey, regardez deux autres membres du groupe. Bonsoir. Et le groupe va être au complet. Alors, on refait pas tout l'historique du style parce que. Parce qu'au niveau des piles, je vais jamais le faire, moi déjà. J'en suis au début de ça. Ouais, Cult of Luna, ouais. On venait un peu aussi les voir, c'était une bonne claque, hein, hyper hypnotique. Avec les éclairages en plus. Il y avait The Ocean, mais je suis arrivé en cours. On a vu Cold Guns, on a vu la moitié de The Ocean. Ouais, on a beaucoup écouté. Et surtout ZZ Top, quoi, c'est mon groupe préféré. Je juge pas, t'as le droit. C'est pas. Pareil, c'était post-pipi. On a fait beaucoup de post-pipi au Hellfest. Ah ouais? Ah ouais, dit comme ça, c'est très exigeant. Clutch, c'est sans clutch. Et clutch en main stage en plus. Donc nous on avait vachement peur en main stage. Clutch, c'est un vrai groupe d'Europe. Vraiment mortel. Hey, bonsoir! L'équipe est vraiment complète. Mais rentre, y a pas de problème. Ici, tout le monde est le bienvenu. Bah, moi, c'est mon groupe de la vie, Clutch. Et du coup, j'étais vachement. J'attendais d'aller voir en main stage. Voir vraiment ce que ça pouvait donner. Je savais que eux pouvaient le faire sans problème. Ouais. Mais me dire que. On avait vu Red Fang. Ouais, il y a 3 ans, je crois. En main stage, le son. On était en face, le son était pourri, ça donnait vraiment rien et j'avais peur en fait de voir Clutch en main stage à cause de ça. Ouais. Et pourtant. Et en fait, non, franchement, ça l'a fait complètement et c'était génial quoi. Et franchement, pour les avoir vus 3 fois sous la vallée et une fois en main stage, j'ai pas l'impression, il n'y a pas vraiment ce côté confiné, énergique quand ils jouent par exemple à Electric Rory. Mais. T'as quand même l'effet quoi. Et du coup, en main stage, ça colle aussi quoi. Super bien marché, ouais. Et du coup, ouais. Moi, je les avais vus en première partie de système à Bercy, genre en 2011, ouais. Comme ça. Bah, là, c'était dur, tu vois. C'était Bercy, première partie, salle. Bah, système aussi, non, c'était un peu. Ouais. Maintenant, à l'époque, peut-être que ça allait encore. Apparemment, maintenant, ça a quand même. Ah là. On les avait au Main Square il y a 3 ans. Ah, on était tristes. Bah, c'est tellement légendaire. Non, moi j'étais content de voir 35 morceaux en une heure. C'était bien. Ah, les formats, c'est cool. Moi j'étais content de bouger mes bras comme ça. Ouais. Tiens, ça a changé que c'était ma première. C'était chouette. Et puis, Lamb of God, enfin moi là c'est personnel, mais c'est quand même un groupe que j'attendais parce que tu sais, c'est mon adolescence. Et putain, je trouvais que la perf était vraiment folle quoi. Enfin, quand même, ça manque un peu de Chris Adler. Ah, c'est ce que j'allais dire. Moi, si on n'en a pas parlé, mais ça m'avait. J'aime pas du tout le nouveau batteur. Bah, c'est pas que je l'aime pas du tout, mais je trouve que l'endurance est moins présente que Chris, tu vois. C'est moins facile. C'est pas pareil, ouais. Enfin, pour moi, c'est la colonne vertébrale de. Bah, maintenant, il est un peu bancal, ton groupe. Bah, enfin, oui, forcément. Mais ouais, c'est à peu près avec tout. Avec la tête, ça rend 10 bits. Ça fait pas beaucoup de groupes quand même sur 3 jours, les gars. Bah, si tu veux, on était. Ouais, on a fait que 2 jours. Puis on était un peu. Ça fait pas beaucoup de genre de jour. Deux jours, ça fait 100. Non, on avait d'autres trucs. Il y avait Gojira. Qu'on a raté, malheureusement. Ultra Vomi, pareil, qu'on a raté. Ah bah génial. Ouais, je les ai déjà vus, mais genre, il y a super 2009, je crois, d'Ultra Vomi. À l'empreinte, une petite salle. Ah ouais, donc, ah oui. Et c'était trop bien, quoi. Mais moi, j'ai toujours kiffé ce groupe. Premier concert d'Ultra Vomi, c'était avec Gronny Bar. Ah, des copains, du coup. Grindcore. C'est pas qu'on pourrit une stage, là. Festival, au motoculteur, ouais, j'ai vu ça. Enfin, c'est pas eux qui ont foutu de la boue, c'est les gens qui ont foutu de la boue. Ils balançaient des bottes de terre. Ah ouais. Alors, on était pas là, nous on était en train de regarder autre chose à côté, mais. On t'a raconté. Bah, on a vu les photos. Ouais, moi je plains les gars qui nettoient derrière. Quoi. Ouais. La scène, t'imagines, sérieux. Et puis les gars qui reviennent derrière aussi. Qui ça, Gronny Bar? Ils ont pas voulu? C'est pas qu'ils ont pas voulu, c'est qu'ils font très peu de concerts par an. Allez mec, on en a fait un cette année déjà. Ils en font deux par an, et là en fait c'était la rentrée, ils font avec les enfants. Bah voilà, c'est ça. Musicien vie de famille, ça c'est mort. On respecte, on dit rien. Non, on n'est pas musicien, on est vie de famille, nous, du coup. Voilà, on a fait un choix, nous, c'est la famille. D'ailleurs, où sont nos enfants? On a des enfants, on est... Qu'est-ce qu'on fout, là? Qui vous êtes? Je ne sais pas. Du coup, est-ce que tu as une autre question ou quelque chose? Non, après, voilà. Ah, eh ben, donc, je pense qu'on va s'arrêter là, messieurs. Merci beaucoup, c'était ultra intéressant, parce que franchement... Ça vous a fait plaisir aussi. Merci à vous. Hein. Des gens autant passionnés que ça, c'était... surtout Mélodie, qui était... Ouais. Qui a su garder le... Mais Mélodie, c'était génial. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'était... Voilà. C'est une belle conclusion. La meilleure. Aspic, moyen, mais Mélodie. Ouais, non. On est des fans, c'est bon, ça va. Quoi. Bon, bah, et c'est dommage parce que sur disque, tu vois à quel point c'est précis. C'est dommage quand on live, c'est un peu. Ouais, c'est pas pareil. On aurait peut-être pu le dire au début aussi qu'on avait une chanteuse. Ça aide. Donc on a une chanteuse, on fait du metal progressif. C'est pas ethno-progressif. Ouais, bon, ethno, je vais te raconter l'histoire. Je vais te la faire courte. Vas-y, je vais dormir un peu. Vas-y, je t'en prie. Non, merci à vous. Et puis, je te laisse le mot de la fin, comme d'habitude. C'est pas la fin. On est vendredi, en fait, c'est pas la fin. Ah, donc ça veut dire je laisse tourner jusqu'à... Ouais, tu peux laisser tourner jusqu'à demain soir. Ah, il va y avoir plein de bruit hyper... 2 heures ? Non, je tiens pas jusque-là, moi. Faut aller dormir. Parce que c'est quoi ? C'est l'heure de on vous aime, on vous emmerde... Il a spoilé la fin. Et 30 minutes. Eh ben tu pourras couper, t'as le temps de... On record. Il est 1h37. Ça y est, première soirée terminée, Grave Zeppelin. Ouais. Ah, donc là, on est sur le chemin du retour, tout simplement. Hein, Road to Hellfest. Jack, c'est dans le monde. Bob. Ouais. On a laissé parcimonie sur le parking parce que nous faisait un peu chier. Commençait à péter les plans. Donc du coup, on l'a laissée sur le parking. Je pense qu'elle est encore en train de courir. Peut-être qu'on la récupérera demain. Espérons. Qu'est-ce que t'en penses, parcimonie? Je sais pas, je vais rester là-bas. D'accord. Super. Bon, écoute, tu couperas, c'est pas grave. Non, ça me saoule déjà. Oui, donc c'est l'idée de ce retour et qu'on essaye de débriefer un petit peu cette première journée. Donc, je pense qu'on a vu quand même des bons concerts ensemble parce que on était resté à quel groupe quand on s'est retrouvé tout à l'heure avant d'être rejoint par Blaise. Très bonne question. C'était le groupe avant Primal Age en fait. Hein. Ah bon? Bah ouais. Sadayana. Sadayana. Donc on venait de voir Aspic. C'est pas Boromir. Non. On venait de voir Aspic. Donc après on a vu. On a été voir Sadayana. Que toi t'as pas trouvé, t'as bien aimé la musique. Bah je suis con. Moi j'ai trouvé ça vachement sympa parce que c'était pas le même chanteur que j'avais entendu sur l'album et j'appréhendais un petit peu, mais j'ai trouvé qu'il s'est vachement bien défendu. C'était le premier concert avec ce chanteur-là. C'était son premier concert. D'accord. Et donc moi j'ai trouvé que ça faisait complètement le taf et que c'était bien passé, une bonne ambiance, une bonne énergie, pour ma part. Moi. Pareillement, hein, mais musicalement simplement, parce que le chanteur je l'ai pas trouvé très à l'aise et enfin après voilà, mais c'est, ce n'est que mon point de vue, hein, mais musicalement ça faisait largement le taf et très très bon Zikos. Pour ta part, parcimonie. Moi j'étais surprise justement, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal et je m'attendais à quelque chose de moins bien que ça. Enfin, j'avais pas trop apprécié ce que j'avais vu et justement le nouveau chanteur j'ai préféré. Donc, j'ai trouvé ça super. Ok, oui, dans le sens où il part moins dans les aigus et que c'est moins heavy, un peu. À la Rob Halford. C'est ça, voilà. Donc voilà, quoi dire de plus, mis à part si ce petit interlude largement. Oui, que vous avez dû soit entendre avant, soit après, ça va être selon comment je fais un montage, si j'en fais un ou pas, si je respecte la chronologie ou pas. Voilà, tout à fait. On est resté un petit moment avec les membres du groupe Aspic, on a pu justement bien discuter de leur musique. C'était un échange hyper intéressant parce qu'ils ont une approche de la musique qui est complètement dingue, d'une technicité, d'une minutie. Voilà, tout à fait, ouais. Que nous, on ne peut pas décrire pour notre part, tout simplement. Nous, rien que d'en parler, ça, tellement à des années-lumière de ce que... Ça a presque dégoûté Jack de faire de la musique. Ah ouais, non, c'est impressionnant. Mais en fait, c'est parce que vraiment, je respecte ça énormément. Ils ont vraiment... tu vois que c'est des mecs qui sont pointus, qui en parlent, mais ils en parlent comme, comme de vrais passionnés. Quand tu es passionné de quelque chose, forcément, tu fais flipper les autres parce que tu es... t'es hardcore dans ta passion, quoi. T'es freak control et eux, ils sont ultra freak control, quoi. C'est comme au début, quand ils commençaient à nous parler de technique son. Je sais pas si tu te rappelles des termes que, que je sais pas si c'est le guitariste, je crois, qui a employé 2-3 termes de technique son. Moi, perso, j'étais largué, je vous comprenais pas. Donc, du coup, je te voyais réagir un peu. Je me suis dit, peut-être qu'il comprend. Après, que tu as des bases, peut-être. J'étais dans le truc, donc ça allait. Là, je pourrais pas te redire exactement ce qui a été dit. Mais c'est, tu regardes beaucoup de tutos et de trucs. Il n'y a pas de trucs qui m'ont... mais c'est vrai que rien que quand il a dit qu'il a dû mixer tout seul l'album et qu'il a dû y passer beaucoup de temps, moi, dans ma tête, j'ai senti de la sueur qui transpirait. Donc... la vache, mais tu m'étonnes, quoi. tu m'étonnes. Ouais, carrément. Mais non, mais même... Ça suit quoi, tout ce que je disais, le fait que par exemple leur vidéo YouTube elle était ultra propre et tout ça, c'est un groupe qui est précis et tout ça, et c'était hyper intéressant de discuter avec des gens passionnés comme ça l'est très souvent. Malheureusement, il y a le concert de Primal Edge qui a commencé pendant l'interview, donc moi je vous ai laissé, on a arrêté, l'interview était terminée, mais je suis parti un petit peu après pour aller me prendre 3-4 chansons dans les dents. Donc comme vous n'avez pas eu le concert, je suis le seul à faire un retour. Passer de la pure énergie, hein, de la pure bagarre, de la pure warzone comme on aime en voir. Du coup, je suis presque un peu déçu de pas les avoir ratés ce soir parce qu'on était complètement dans un autre truc. C'est pas à toi, je me dis, ah mince, j'aurais pu les voir dans tes soirs, mais je regrette plus du coup plutôt le côté qu'on les ait ratés à la warm-up de Caen. Pour, voilà, je me dis, ah mince, parce que c'est pareil, comme ils ont joué au Metal Corner, on n'aurait pas pu les voir parce qu'il y avait le Knotfest. Vraiment, le vrai moment où je me dis, merde, j'ai un petit regret, ça serait celui du cargo warm-up. Pour ma part. Donc c'était vraiment... Pourquoi ? Bah parce que le retard aurait pu être évité. On aurait pu ne pas les entrer et arriver à temps et les voir. Que ce soir, le moment qu'on a passé dans l'interview était trop intéressant pour me dire ah merde, j'ai raté un groupe au détriment de quelque chose de moins bien. Non, c'était intéressant. Ah oui, dans ce sens-là, voilà. Oui, tout à fait. Et quand on était au Hellfest pour le Metal Corner, bah on était au Knotfest, donc c'était pareil, tu vois. C'était des moments. Ouais, complètement. Vous saviez vraiment qui passait ? Je savais, mais j'ai pas réagi, Mais non, à un moment donné, on est arrivé en retard parce que l'heure à laquelle on est parti, c'est l'heure où ça devait commencer et on a forcément merdé, quoi. On est arrivé sur la fin, mais bon, c'est comme ça, on va pas réécrire l'histoire. En tout cas, c'est le peu de chansons que j'ai vues, c'était très très très sympa. Ils ont fait venir une fille pour une chanson qui était une espèce de medley de Slayer, donc c'était très sympa. Et puis le public était réceptif. Ouais, très réceptif. Ouais. Ouais. C'est là où je l'ai vu le plus réceptif d'ailleurs de la soirée. D'accord. Parce que ça bougeait vraiment. Malgré le peu de public qu'il y a eu ce soir. En fait, le peu qu'on a ressenti. C'est difficile de se dire s'il y a vraiment peu ou pas parce que comme l'a très bien dit un des membres de Aspic, la salle est grande. La salle est très grande, donc c'est pas forcément. Tu vois, on n'est pas forcément dans une salle qui était vide, mais elle était peut-être peu remplie par rapport à sa superficie. Et donc forcément ça donne un peu l'impression qu'il n'y a pas grand monde, mais y avait quand même du monde, quoi. Je suppose qu'il y a du monde. Après on verra peut-être le bilan si c'était pas assez ou ça, mais puis on verra surtout demain avec la différence. Voilà, c'est ça, on verra demain avec la grosse journée où il y a 10 groupes justement. 10 groupes demain, ouais. Et pour l'instant au niveau de... Alors vous, votre appréciation de cette première journée, de ce petit festival, de l'ambiance? Et le petit bilan, quoi, en fait, en quelque sorte. Bah, c'est toujours pareil, t'as ce côté découverte. Pour ma part, agréablement surpris par l'accueil. Ouais. L'accueil, franchement, était ultra top. Les groupes, je trouve qu'il y avait quand même... ils ont du mérite, parce que malgré le peu de public qu'ils peuvent avoir quand même face à eux, parce que... Le public était assez en retrait quand même. Ouais, il y avait toujours un espace assez vide devant. Ouais. On avait, pour les photographes, justement, du coup, c'est large, hein, c'est top. Mais pour la scène en elle-même, c'est un peu décevant. J'ai été agréablement surpris par le groupe de jeunes. Boromine. Oui, qui vient de Souville. Qui vient de Souville, voilà. Musicalement, ça a été mon petit lâcher de bavé sur la soirée, quoi, parce que franchement, les mecs, enfin, je dirais que le batteur principalement, vraiment, Et impressionnant, une bête quoi, et ça m'a fait penser à des groupes tel OPS moi. Tel, ouais, OPS, Gojira, enfin tu vois des groupes qui vont rechercher les musicales et le côté très très technique. Et les gars sont des lycéens. Hein, donc, et les gars sont lycéens, voilà, donc ils sont mineurs encore. Et, ouais, et voilà quoi. Donc on a bah, comme quoi le métal a de beaux jours devant lui. Ouais, ouais, ouais, hein, de ce côté-là. De très beaux jours, même dans les plus rases campagnes, hein, dans le fin fond de notre Normandie. Ouais, c'est ça qui est impressionnant. Ouais, non, c'est clair. On a des. Mais c'est, voilà, c'est obligé de toute façon hein, qu'on ait de très bons zikos, même, ça, c'est ce qui même fait, en Normandie. C'est ce qui t'a fait baver. Ouais, ouais, complètement. Et ouais. Qu'est-ce que tu dirais comme point négatif ou comme déception? Après, ça peut être toi, regarde, je vais prendre mon exemple à moi. Moi, ma petite déception, ça aurait été. Parce que j'ai pas grand-chose à reprocher au festival en lui-même, parce que entre l'accueil qu'on a eu. Franchement, et l'ambiance même générale qui était très cool, les gens qui étaient tous super, enfin super sympa quoi, un peu tout le monde quoi, les gens faciles à parler en plus. Ma seule petite entre guillemets déception, ça serait le fait de, un peu comme d'habitude, d'avoir voulu trop en faire et un peu déçu de pas forcément avoir pu interroger tout le monde. Mais ça, c'est un constat qu'on faisait en off avant d'enregistrer. Ça s'est enchaîné mais tellement vite. Quand tu te dis qu'on est arrivé à 18h et qu'il est déjà 1h30 du matin, voilà, c'est rare quand même des moments où ça fuse tellement que t'as pas le temps de voir ce qui se passe quoi. Les concerts passent assez vite, entre les deux scènes les changements sont très rapides. Tu vas discuter à un endroit, faire une interview, discuter avec des gens, ça enchaîne direct et tu te retrouves vite à un autre concert et ainsi de suite. Donc c'est un peu mon petit regret, c'est de pas avoir pu discuter forcément avec tous les groupes, mais je pense qu'en fait ça devient très compliqué de tout faire quoi, pour ma part. Oui, non, mais je comprends parfaitement. Ouais, le côté tu planifies, enfin t'essayes de planifier ouais. Un minimum, non. Et qu'au bout du compte, bah tu te rends compte que ce que tu planifies, tu peux pas le faire. Et puis tu vis un petit peu le truc tel qu'il vient et t'as pas le choix. T'as pas le choix que de faire en sorte que de prendre les choses comme elles viennent. C'est exactement ce qui s'est passé à la fin du enfin. Un peu avant la fin du concert d'Aspic, on est parti pour justement dire on va voir s'il y a des groupes de disponibles. Il n'y avait personne. Ah, bah voilà. Oui, c'est vrai. Donc il y a un moment donné. Si, il y avait quelqu'un. Non, Blaise n'est pas là encore début, il est arrivé après. Ah bah si, on l'a vu au loin. Ouais, on l'a vu au loin, donc il n'y avait personne. Ah bah, ça a mis même moins d'une minute avant de le voir. Ouais. Et du coup, comme on a pu discuter avec des gens, je vais discuter par exemple avec Alex, le mec qui s'occupe de la programmation et qui. Aussi manager de Aspic et du groupe de Black Metal de demain dont j'ai oublié le nom et je m'en excuse. C'était super intéressant comme discussion mais je l'ai pas enregistré sur le moment. Puis après le concert a commencé, on s'entendait plus, donc faut presque arriver à planifier. Enfin c'est assez dur de. Soit t'as toujours ton micro à la main et t'es prêt à démarrer. Ouais. Parce que comme on discutait avec le premier membre d'Aspic, même au début il dit bah vaut peut-être mieux attendre les autres. Et en fait il disait plein de trucs quand il était tout seul. Et il a été un peu plus en retrait quand les autres membres étaient là quoi. Donc du coup c'est pas simple. Moi c'est voilà, c'est pour ça que je reviens à ça. C'est pas simple parce que tout s'enchaîne très vite. Et vous-même, très cher Bob. Ouais non mais c'est ça, c'est exactement ça quoi. C'est, là tu vois on vient de sortir, j'ai pas vu la soirée passer, il est 2h du matin. Et ouais, j'ai pas vu la soirée passer. Et puis même là par exemple on a. Là, au moment de partir, on a effectivement, il y avait des groupes qui étaient à différents stands. Il y en avait deux. Il devait y avoir les membres de Brimal Hage et de Saïd Ayena, mais ils étaient en train de discuter avec des gens qui venaient acheter du merch et tout ça. Donc, ah oui. Peut-être qu'ils auraient effectivement pu nous filer 5-10 minutes après, mais il était déjà tard. Et puis, encore une fois, c'est pas tout. Enfin, pour moi, c'est pas toujours simple, quoi, de faire ça, quoi. Donc là, j'ai pas mal parlé, moi. De gérer le temps comme ça, ouais. C'est vrai que on peut pas non plus se permettre de tout le temps être en train de déranger les gens. Puis voilà, il y a ce côté aussi où ils ont besoin aussi forcément de ouais, voilà, tu vois, c'est d'avoir un temps avec d'autres personnes. Exactement. Et donc, j'ai fait l'inverse. Je pensais que j'y étais alors que j'y étais pas. Mais demande à Parcimonie, elle a son avis aussi sur l'ensemble. C'est vrai. Moi, ça revient un petit peu à ce que vous avez dit. C'est clair, ça a passé très très vite. On a vu des bons groupes, mais on n'a pas eu franchement beaucoup de temps pour se poser, pour discuter de tout ça entre deux. Parce que c'est vrai que ça a filé, ça a passé vachement vite, 10 minutes, un quart d'heure entre chaque groupe. Et donc, pour ma part, le bon groupe que j'ai vu, c'est vraiment. vraiment Aspic, vraiment, j'ai adoré Aspic. Et donc Boromine, c'est ça? Ouais. Ouais, Boromine, j'ai adoré aussi. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Et l'ambiance était top, c'est clair. La personne qui nous a reçus était super. Donc voilà, vivement demain. Ouais, c'est clair. Carrément. Très bon résumé, vivement demain, voilà, ouais, tout simplement. Ah ben voilà, pour cette première soirée. Hein, ouais. Pour cette première soirée, pour cette première édition du Grave Zeppelin, ouais. Tout simplement, c'est pour notre part un succès. Après, à voir avec les gens concernés, hein, si de leur part ils sont satisfaits de leur première soirée, et puis on verra demain. Hein. On devait avoir un entretien avec Thomas, mais on l'a pas eu. Pareil, on a attendu manque un de peu, temps. Tout simplement, il n'avait pas que ça à faire non plus. Donc, on essaiera de se caler ça demain. Et puis, voilà, tout simplement. Ouais. Et ben voilà. Hein. Et ben oui. Et ben bisous, bonne nuit, hein, les gens. Ouais. Hein, il est 2h-8. Hein. Moi je pense que c'est le meilleur mot à dire pour la fin. Voilà, bonne nuit. Et puis c'est ce que je suis en train de me dire depuis tout à l'heure. J'ai appuyé deux fois. Mais t'as pas regardé En fait ça a lancé un chronomètre, un compte à rebours. Ouais non c'est sûr. C'est parti, j'ai vu le... J'enregistre encore parce que je trouve pas le bouton pour arrêter en fait.